Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à Rétro Nouveau Radio numéro 2. Incroyable! Hey, on s'est rendu à 2! On s'est déjà rendu à 2! Aucun problème technique. Non, ça a été un presque, petit peu plus long presque. Avant qu'on parte tantôt. Ouais, mais, en tout cas, c'est pas grave. Là. Écoute. Y'a rien, là. Mais, déjà, il y a plusieurs personnes sur le chat. Ouais, on est une bonne quinzaine, vingtaine déjà sur le chat. Hey, ça, c'est fun. Fantastique, ça. Merci d'être là. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là. Fait qu'on ouvre ça. Moi, premièrement, quand vous êtes arrivés ici ce soir, les boys, ouais. Premièrement, regardez ceux-là qui sont live. On a ressorti les peintes à Tari. Les peintes. Comme dans le temps. D'ailleurs, je voulais me mettre en camisole comme dans le temps. Ouais. Là, je l'ai pas fait, mais je t'avertis dès maintenant que dorénavant, je vais me mettre en camisole pendant les podcasts, comme dans le bon vieux temps. C'est à cause de la neige qui est tombée. Il fait trop frette, là, aujourd'hui. Exact. Ouais. Comme dans le temps que tout était brun. Mais c'est ça, là, tu vas te fondre sur ton décor, parce que quand c'était brun, ça faisait un beau contraste. On va juste voir des bras flotter. Avec une tête. Fait que je vous ai chacun fait choisir une peinte d'Atari à votre insu, ouais. Mais en insistant très fort. JF, quelle peinte que tu veux! Moi, j'ai pris Astéroïde. Là. Ouais, là, je me suis dit que ça fitait peut-être un petit peu avec vos personnalités. Ouais, ok. Ouais, moi, je pense que JF t'a pris Astéroïde parce que t'es. Tu sais, t'es space, là. T'es comme zen, là. T'es dans l'espace. Tu seul, entouré de ce petit météorite qui t'attaque tout le temps et qui te crisse pas patience. Moi, j'ai une stratégie. Je suis très, très mécanique cérébrale. J'ai tissé un après l'autre, let's go. Exact. Et à chaque problème que tu règles, il se dédouble. Ça jamais de ça fin. Marche. Ça t'es marche. Tout le temps occupé. Là, Bruno, il a choisi Centipède. Là. Eh oui. Je sais pas pourquoi, en fait. Bébite, peut-être. C'est une moyenne bébite. Y a-tu des insectes chez vous, pas mal? Non, y a pas d'insectes là-dessus. Je suis bon, pas mal. Ben, c'est bon. Mais ben, tu l'as pris parce que le design il est beau. C'est quand même le design était cœur, hein. Classique de Centipède. En fait, je l'ai pris par élimination. Tu sais, je pouvais pas prendre Astéroïde. Mais ben, t'as pas pris Tempest, par exemple. Ben, Tempest, il est très métal, mais on voit pas oui. grand-chose dessus. T'sais. C'est vrai que c'est assez chargé, par exemple. C'est très chargé. Fait que Centipède, il est cher. Puis j'avoue que j'aime beaucoup Aliens. Ouais. Et j'ai beaucoup d'appréciation pour les champignons en illustration. Puis là, il y a... C'est loadé de champignons là-dedans. Ouais, il y a quatre beaux champignons avec des X. C'est malade. Et un vert. Ben, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai Tempest, un gros bordel là-dessus. Tout le monde gueule, genre. Ça ressemble un peu le matin. C'est un peu ta vie. C'est un peu ma vie, le matin, là, puis ça bouge. C'est la tempête. C'est clair. Fait que, puis, je voudrais aussi attirer votre attention vers Mega Man and Bass qui joue en background ben ici. Oui. Qui est un jeu que Michael LaRouche m'a prêté, qui est un jeu japonais, finalement, ouais. Au Super Nintendo. Et puis, je suis très content, je l'aime. Je vais en faire une critique prochainement. Et ouais. Aussi, je vais l'amener, s'il me le prête encore, dans un spécial au Funzo Mega Man. Que je pensais qu'elle allait avoir lieu bientôt. Oh, yeah. Je vais leur pousser un petit peu. Hey, ça, là, faut préparer ça. Faut choisir là aussi pour celle-là. Ah, parce que t'avertirai quand même. Je t'avertirai d'avance. Ouais. C'est sûr, je vais me faire torcher, là, parce que là, il y a du monde qui pense à cause que je tripe sur Megaman, je suis le meilleur joueur de Megaman. Je suis pas vraiment bon. Il y a bon, M. Larouche dans le chat qui dit You wish. Ouais, exactement. You wish. Mais moi, il y a une affaire qui me surprenait, puis j'avais jamais vraiment remarqué, c'est que souvent, dans un jeu comme ça, quand le quand l'écran titre n'est plus là, il te montre du gameplay du jeu. Ouais. La plupart du temps, les joueurs sont assez bons. Mais dans Mega Man and Bass, ils crèvent. Ouais. Ils crèvent tout le temps. C'est pour te décourager. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire. Il est quand même dur. Ben, pour en parler très rapidement, même, ça ressemble beaucoup à Mega Man X, mais j'aime beaucoup jouer avec Bass d'ailleurs. Ouais. Il est badass. Ouais, il est vraiment badass. Das. Oh, badass. Il tire dans toutes les directions, c'est bien le fun. Mais c'est un jeu un petit peu plus dur que les X, je trouve. Ouais. En tout cas, le 1 puis le 2, parce que j'ai pas joué au 3. Alors, voilà. Mais X, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. J'ai l'impression que ça a été fait pour attirer un plus grand public. Ouais. Ben, c'est les plus faciles des Mega Man, je trouve. Mm-hmm. En tout cas, avec le recul, là, pour en avoir essayé plusieurs dernièrement, je trouvais que les X ils sortaient du lot quand même. J'avoue. Mais j'ai pas joué au deuxième. Ah, moi, j'avais joué beaucoup dans le temps, quand je sortais de l'école. Mais anyway, on parle pas de ça. Ben oui. On est en train de partir ce On parle ben trop. Enchaînons avec Retro Nouveau TV numéro 1, qui est sorti, dans le fond, pour ceux qui sont live ce matin. Oui. Là, on est deux semaines plus tard, donc pour ceux qui l'écoutent en téléchargement, ça n'a plus rapport. Mais anyway, c'était aujourd'hui. Allez voir ça quand même. Ben oui, absolument. Aimez, partagez. Faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là. Oui. Ah ouais, faites-y tout. Il est pas regardant. Puis ça a bien été, en tout cas aujourd'hui déjà. Combien de views qu'on avait? On approche le 400 là, en ce moment. 400, c'est vraiment fort. En 12 heures, c'est vraiment bien. Là, c'est le fun, on est content parce que vers la fin de l'année passée, finalement, nos vidéos atteignaient même plus ça. C'est parce qu'on a mêlé tout le monde, puis on n'était pas régulier, puis on sortait des affaires sporadiquement, puis là on est vraiment régulier de tête, puis on est revenu à la formule. Épisode fermé, là, pas des chroniques. Plus court, plus punché. On a vraiment travaillé fort. On a recommencé, on a recoupé, on a recommencé, on a recommencé, puis on s'est obstiné. Puis on, mais ça a valu la peine. Moi, c'est la première fois qu'on fait quelque chose, puis que je le regarde aussi souvent. Tu sais, je vais regarder souvent l'épisode jusqu'à date, puis je suis super fier de ce qu'on a fait. Puis c'est ça, je pense que le monde s'en rende compte aussi. Ouais, on regarde ça, puis voit que c'est ferré, que c'est beaucoup de travail là, ce qu'on a fait. On a eu des beaux commentaires aussi, puis il y a eu des commentaires des gens qui ont remarqué la qualité qui a été augmentée visuelle. Puis ça, c'est bien parce qu'on a vraiment investi de nos poches. On a acheté du gear, de l'éclairage, des fils. Puis on a acheté le device pour enregistrer notre gameplay. Oui. Avant, on pigeait un peu du gameplay un peu partout. Puis là, maintenant, c'est nous-mêmes qui jouons. Puis on a le truc pour brancher. Fait qu'on peut enregistrer tout ce qu'on veut avec ça. Puis il a fallu. On a acheté un pour PC seulement au début. Ouais. Que j'ai revendu. Puis on a acheté. Parce qu'on savait pas que c'était PC seulement. Ben comme des câbles, on s'est pas renseigné. Fait que là, on a revendu Anthony Gravel de l'épée légendaire d'ailleurs. Merci. Ouais, puis on a racheté un autre. Et puis là, il a fallu comme que moi, je suis nul. Là, j'étais comme mort du soir. Fuck, ça marche pas. C'est là qu'on voit que t'es vraiment papa cassette, man. Oh, all the way. Trop compliqué, ces affaires-là. C'est maudit d'un jeune en mais là, il était rendu 11h, tu sais. Puis là, ça marchait pas. Là. Ouais, tu tapais ça sur Facebook. Est-ce que je suis plus capable, les gars? Moi, je décroche. Je travaille demain. Un conseil pour tout le monde. Là. Quand ça marche plus le soir à 11h, là. Couche-toi donc. Oh, va te coucher. Ça s'est réglé en une heure, mon affaire. Fait qu'on est bien contents, en tout cas. Puis, c'est vraiment cool. Puis on continue dans cette veine-là. Ouais, on reste plus coupé serré, moins podcast dans les vidéos, plus vraiment chronique courte puis dynamique. Là. Puis ça va rester dynamique. Puis on va garder notre horaire. Là, puis on va s'arranger pour que cette année, ça soit steady. On changera pas de formule. Non, c'est comme ça. Comme l'année passée. On va pas changer, inventer des chroniques constamment. Non plus. Exact. On va améliorer. On va pas mêler le monde. On a déjà des idées pour améliorer le versus un petit peu. Puis ces choses-là. Donc, on a eu un commentaire aussi de Stéphane Vaillancourt. Ça a été le seul commentaire constructif, si je peux dire. Oui. Puis il disait qu'au début, ça commençait un peu sec, pas d'intro, pas de chaleur. Je suis totalement d'accord. Puis on s'était dit ça, nous autres aussi. Que, ouais, mais là, il était trop tard, le tournage. On l'avait dit avant toi, Stéphane, OK, là. Mais il a bien raison. Puis c'est des détails de même qu'on va ajuster. Mais c'est ça qui est le fun quand même. C'est le premier épisode. Puis tout ce qu'on a, c'est des ajustements. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je considère qu'on a réussi. Exact. Je sais pas c'était quoi votre bout préféré de ce premier épisode-là. Moi, c'est définitivement Dom qui joue à GTA. Là. Ah, ouais, Dom qui joue Dom à GTA. Dom avec le gant bobette. Là, je vais pas mourir. Hey, je mourrais tout le temps. La police, je vais sortir. Là. Il y a un check mobile. Allez, tu meurs, man. C'est trop réel. C'est trop réel. Dom qui parle de piquerie aussi pendant Adventure Island. Ouais, ça, c'est bon. Mais aussi, on a eu beaucoup de commentaires sur Kefka. Ben oui, hein, top Kefka. 5 des vilains, on avait Kefka en première place, puis on a écrit le mauvais Final Fantasy en dessous. Et oui. Qu'il fallait mettre le 6 japonais ou le 3 américain, là, finalement. Alors, écoutez, c'est des affaires qui arrivent. On s'excuse. C'est pas très grave, c'est arrivé. Et puis aussi, on a un dislike sur YouTube. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'on se demande c'est qui. On a comme un. Ben, on a quelques-uns des fois sur d'autres capsules. On a une couple de haters quand même, mais moi, ce que j'ai l'impression. J'aimerais juste ça qu'ils nous laissent un message, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est quoi? Pourquoi? Ouais, ça agace tout le temps. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je suis certain que cette personne-là a pas aimé une affaire dans le show. Ouais, peut-être. Genre, on a dit quelque chose ou on a parlé d'un jeu, puis là, il a pas aimé ça parce que lui, il aime ça. Puis. Mais c'est vrai que ça serait le fun qu'on puisse le savoir, tu sais. Exact. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi quand on regarde ça, nous autres, dans le fond, c'est notre paye, les likes puis les commentaires puis tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que quelqu'un qui aime pas puis qui laisse pas de commentaires, c'est super fâchant parce qu'on peut pas savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour plaire à cette personne-là aussi, parce que peut-être qu'il y a raison de pas aimer ça. Ben exact, là, il y a peut-être de quoi qu'on fait tout croche puis que ça pourrait être vraiment amélioré. Exact, mais... tu sais, peut-être c'est Steven Spielberg qui aime pas notre job. D'un coup, man. Yokozuna, peut-être. Yeah, Yokozuna. Il est mort. Enchaîne. Ah, fuck. Hey, mais on va enchaîner avec, dans le fond, ce qu'on voulait faire au dernier épisode, puis on n'a pas eu le temps parce qu'il fallait que Jeff s'en aille. Bruno, oui. Parle-nous de la PS4. Ben oui, je voulais parler de la PS4. Ça brûlait là, depuis décembre, puis là, on n'a pas eu l'occasion. Là, c'est le temps. Là. Ouais, ça fait un bout que je vais en parler, mais c'est ça parce que là, il y a bien du monde qui m'ont demandé mes impressions sur la PS4. Ouais. Je vais faire ça short and sweet dans le fond parce que c'est pas... je veux dire, tout le monde l'a acheté la PS4 puis tout le monde l'a acheté, l'aime bien. Moi, une affaire que je peux dire direct en partant, c'est que la PS4, c'est peut-être pas un achat à faire présentement. Mm-hmm. Pas parce que c'est une mauvaise console, c'est une excellente console. Moi, je l'adore. J'adore l'interface. J'adore vraiment la façon qu'ils ont amélioré la console, la rapidité, tout ça. Elle va super bien, elle est rapide. La manette, la nouvelle DualShock, c'est la meilleure manette que j'ai eue dans ma vie. Là. C'est vraiment une bonne manette. Okay. La prise en main est écœurante. Le fait qu'il y ait un jack pour pouvoir rentrer tes écouteurs, c'est génial. Sur la manette? Oui, sur la manette. C'est fun, ça. Ça, c'est vraiment trippant. Puis en plus de ça aussi, bon, il y a l'espèce de petit pad tactile dessus qui est quand même pratique dans certains jeux pour voir la carte et tout ça. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que les autres jeux vont faire avec ça, t'sais, s'ils vont vraiment améliorer les features, t'sais. Pis, on s'ennuie pas de la manette du TurboGrafx 16. Il fallait brancher la manette 2 dans la manette 1. Tellement pas, là. Mais c'est ça, en tout et partout, c'est vraiment plein d'améliorations puis d'innovations, puis c'est juste du bon pour la PS4. J'ai rien à dire de mauvais sur cette console-là, pourquoi ne pas l'acheter présentement? C'est à cause des jeux. Ouais. C'est la même affaire, mettons, qu'au début de la Wii U, au début de la 3DS, au début de pas mal toutes les consoles, sauf que là, les exclusifs de Sony, il n'y en a pas assez. Mm-hmm. C'est ça qui fait la force d'une console la plupart du temps. Mais ça, c'est de même pour toutes les consoles à chaque c'est fois que c'est de même pour pas mal toutes les consoles quand ils sortent. C'est juste que, tu sais, on se précipite pour acheter une console et on regarde, it's the best thing ever. Mais... faites comme moi, attendez la Slim. Ouais, c'est ça. Belle librairie, moins cher, moins de place dans ton armoire, tous les bugs fixés. Ouais. Sauf 200$. C'est sûr. Ben, en fait, t'as totalement raison. Moi, c'est juste. Je suis un fan fini, je veux tout de suite l'acheter. Puis c'était la même affaire pour la Wii U. Là. J'aurais pu l'avoir 150$ de moins si je l'avais attendu. Mais exact. Je voulais pas attendre, j'avoue le jour 1 parce que j'étais un méga fan. T'sais. Mais là, la PS4 qui arrive, c'est qu'il n'y a pas assez d'exclusifs. Puis présentement, si t'as joué à ces jeux-là, c'est fort probable que t'avais déjà une 360, mais une PS3 avant d'acheter la PS4. Puis là, si t'as ta PS3, c'est fort probable que t'aies joué à plusieurs des jeux qui se retrouvent sur la PS4 aussi, comme Assassin's Creed Injustice, le Need for Speed, tous les jeux de sport qui sont là. Pratiquement tous les jeux qui sont là se retrouvent aussi sur les autres consoles. C'est drôle ça, ces jeux ponts-là. Oui. Dans ma tête, j'ai comme juste Twilight Princess de Wii qui est sorti au GameCube, qui est sorti à la Wii. Mais c'est-tu comme un phénomène récent, ça, de faire des jeux? Non, moi, je pense que ça fait quand même un bon bout de temps parce que tu penses que tu peux même reculer à l'époque du Nintendo. Battletoads and Double Dragon. Exact. Ce genre de jeux-là. Turtles Tournament Fighter. C'est ça. Passé du NES au Super NES, il y avait souvent des jeux qui le jeu était quand même très différent. Là, vraiment, là. Ouais. T'sais, mais c'est ça, tu sais, il y a une bonne différence, mais il y a tout le temps un pont pour permettre aux gens de faire le saut. Puis aussi, ça fait... tu sais, tu joues à ton jeu. Ce qui est le fun, c'est qu'au moins, il y a un deal que tu joues à ton jeu sur PS3. Tu mets 10$ de plus, puis tu peux avoir la version PS4. Ça, c'est très bien quand même. C'est vrai. Mais c'est ça, sur la PS4, jusqu'à maintenant, moi, j'ai adoré NAC. Tout le monde qui me suit à Monsieur Net le savent, ça a vraiment été un de mes coups de cœur, même s'il n'a pas reçu beaucoup d'amour, pas assez d'amour après moi. Ouais. Mais les fans de Rétro Nouveau, je pense qu'ils se retrouvent probablement dans ce jeu-là, parce qu'on aime beaucoup les platformers, puis les jeux de Nintendo, puis ce genre de jeux-là. Fait que Knack, j'ai beaucoup aimé ça. Killzone, j'ai pas accroché pantoute. J'ai trouvé que c'était un first-person shooter super compliqué pour rien. Mais ouais. Killzone, as-tu aimé l'utilisation du speaker dans la manette? Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment capoté quand j'ai entendu ça. C'est des tapes que tu ramasses, fait que c'est des enregistrements cassettes, fait que ça sort un peu comme ça grichait, puis ça sort de ta manette, fait que exact. C'est un petit plus. Wow. Je me disais que ça allait être un feature vraiment accessoire, moi, d'avoir mis un speaker là-dessus, mais s'ils l'utilisent bien, je pense que ça a du potentiel. On aime ça, quand les speakers dans les manettes. Quand c'est bien utilisé. Oui, j'aimais bien ça. Oui, vraiment, là, parce que ça, entre autres, ce soir, je vais parler de Tomb Raider Definitive Edition. Et puis, dans la nouvelle version de Tomb Raider, regarde, je vais en parler tout de suite parce que ça fait un bon segue là-dessus. Dans Tomb Raider, quand tu marches sur des ossements dans une grotte, t'entends les ossements craquer dans ta manette. Ah ouais. Fait que tous les bruits qui sont à proximité, t'es entends dans ta manette. Fait que d'un coup, t'as l'impression d'avoir un système surround chez vous, un gros cinéma maison, alors que t'en as pas pantoute. Ok. Fait que c'est vraiment intéressant côté son, même qu'à un moment donné, je me faisais mitrailler dans le corps puis j'entendais ma peau déchirer. Dégueulasse, mais c'est vraiment réaliste. C'est écœurant, tu sais. Fait que Tomb Raider, je dirais même que c'est vraiment, si vous avez une PS4, c'est le jeu à acheter présentement. Ouais. Si vous ne l'avez pas déjà fait, par exemple. Ben, moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai déjà payé 60$. J'avais Assassin's Creed 4, Black Flag. Ouais. J'ai essayé. J'ai tellement essayé. Je veux vraiment aimer ça, Assassin's Creed, mais j'y arrive pas. J'aime pas ça, pas en tout. Non, mais arrête, man. J'aime pas le arrête, contre... Mais là, c'est ça, je vais arrêter. Là. Je vais décrocher complètement, puis je vais arrêter, tu sais. Ouais. Mais là, j'arrête, puis je l'ai vendu. Puis avec cet argent-là, j'ai acheté Tomb Raider. Mm-hmm. Et je ne regrette pas du tout mon achat. C'est le jeu le plus next-gen, dans le fond, qu'il y a sur la PS4 présentement, tu sais. Exact. T'as vraiment le look next-gen quand tu te promènes dans la forêt. Tout ce qui est autour de toi est vraiment bien défini. Les histoires de plantes qui sont en 8 bits quand elles sont proches de l'écran dans un jeu next-gen, ça n'existe plus. Ouais. C'est vraiment propre partout. L'affaire du micro de tantôt que j'ai parlé, c'est très intéressant. Il y a aussi pour les journaux, comme tu avais dit dans Killzone tantôt. Il y a aussi justement le pad tactile, c'est pour la carte. Tu vas pouvoir aussi t'en servir pour sortir ta torche de tes poches, pour sortir certaines affaires, pour flipper l'écran. Aussi au niveau du jeu comme tel, les contrôles, tout ça, tout est aussi fiable. Par contre, tu joues pas avec une DualShock sur la PS3, tu joues avec la nouvelle DualShock. Mm-hmm. Pis c'est pas mal plus fiable. Okay. Puis la vibration aussi est meilleure. Mm-hmm. Fait que les vibrations avec la voix sont écœurantes. Puis en plus de ça, t'as des nouvelles tenues qui apportent absolument rien au jeu. Nouvelle vibration. Là, je te vois. Nouvelle là. Tout nu. Ouais, t'es sûr que là, Lara est tout nu ou Lara va être en bébé d'or. Tu peux passer pour un pense, c'est ça. Je m'en sac en même temps, là. Non, mais comment plus nu fait, peut-elle être, genre en petite camisole? C'est ça le pire, man. Tout le monde se serait dit, tu le rends gros, je vais en mettre tout nu. Non. Ils l'habillent. Ils ont fait le contraire, man. Ouais. Pis ça, là, kudos à Eidos là-dessus. Ils ont vraiment été brillants. À la place de la déshabiller, ils l'ont habillée. Ouais. Fait que là, t'as comme un saut d'aviateur et couverte des pieds à la tête. Ouais. C'est génial. Ils ont plein de sauts de même. Puis ils vont vraiment à l'inverse de l'ancien Tomb Raider, là, all the way. Mm-hmm. Fait que moi, je trouve ça cool. Puis nice. C'est un très bon jeu. C'est un jeu à acheter. La PS4, savoir si vous voulez l'acheter ou non, moi, je dirais attendez une couple de mois. Pour qu'il y ait plus de jeux, tout simplement. Achetez ça cet été, là, ouais, au lieu d'aller dehors. Cet été, ça va vraiment être un bon moment pour l'acheter. Mais même à ça, si quelqu'un qui l'achète présentement ne sera pas déçu, anyway, c'est une excellente console. Ouais. Puis si t'es abonné au PlayStation Plus, ouais. C'est encore plus fun parce qu'il y a des jeux gratuits quasiment à toutes les semaines, deux semaines. Ouais. Genre GF. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Comme là, justement, il y a eu Outlast qui est sorti hier, qui est le jeu de survie, d'horreur. Ce jeu-là est 20$ normalement, gratuit pour les membres du PlayStation Plus. Fait que, tu sais, on avait tout le temps l'impression que pour la PS4, les gens de Sony attendraient longtemps avant de nous donner des nananes avec le PlayStation Plus. C'est pas le cas, ils commencent à en donner déjà. Puis il y a des ventes flash qui arrivent souvent aussi. C'est important de vérifier. Beaucoup de monde me demande c'est quoi ma source pour Sony tout le temps. C'est une source qui est accessible à tout le monde. blog.us.playstation.com. C'est le blog officiel de Sony. Là-dessus, ils mettent toutes les updates du magasin de Sony. Ils mettent toutes les updates sur les jeux. D'ailleurs, pour le PlayStation Store Update, Nintendo, eux autres font ça jeudi. Sony fait ça le mardi soir. Fait que le mardi soir, là, genre, là, tu peux t'assurer à peu près vers 8h, 9h, c'est sûr et certain que l'update est fait et que tu as tout le descriptif de cet update. Ouais, mais c'est Unité 9 à cette heure-là. Fuck Béra, c'est 19-2, tu te mets. Ah, 19-2, non. Non, Unité 9, ça, c'est. Ça, c'est Guylaine Tremblay. C'est Guylaine Tremblay. Pauvre Guylaine. Eh ouais, pauvre Guylaine, je vous dirai pas le punch. Un show de prison avec Caro de la petite vie, là. Ah, c'est fantastique. C'est gagnant. Ah oui. Ah, je l'écoute, mais Unité 9 avec ma femme. Ah ouais? Oui. Ma femme, elle l'écoute. Moi, pendant ce temps-là, je travaille sur Retro Nouveau. Puis sur la boutique Papa Cassette. Ben oui. D'ailleurs, je voulais. Qui est finalement en ligne. Qui est finalement en ligne. Hey, ça, le bravo, les gars. Quel job de. Merci, merci. Ah, ça a été. JF a travaillé en fou là-dessus. Beaucoup là, de souffrance fait... et de sang qui ont été perdus dans ce. C'est clair, parce que c'est une vraie. C'est pas fait avec C'est pas des plugins, c'est vraiment une boutique faite. Boutique, là. Il y a un à gros bras, système à bras en arrière là, de ça, le bâti, là. Exact. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'avais besoin de premièrement, j'avais besoin de faire l'inventaire là-dessus. J'avais du stock, je loue un mini entrepôt dans le fond pour mettre tout ça. Puis chaque photo des jeux qu'il y a là-dessus, c'est les vrais là. Moi je prends chacun des jeux en photo, j'écris une description, puis tu sais, si le label est scrap, comme assez scrap, ben je baisse le prix, tu sais. Fait que, parce que moi quand je magasine les jeux rétro, j'aime ça savoir c'est quoi que j'ai. Ouais. Fait que là, tu peux pas te tromper. Là, t'as l'image, t'as la description. T'sais. En même temps, moi, ça me back un peu. Là, si jamais le monde. Ben, c'était écrit dans la description. T'sais. Ah, ce commentaire-là. Ah. Mais, ça serait le fun qu'on commence à pouvoir avoir des commentaires audio sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Ah, tout ça. Moi, j'aimerais tellement mieux entendre l'intonation. Ce serait cœur. Tu veux, moi, j'ai arrangé ça. Ouais, fais ça. Ben, ouais, programme. Dans 20 secondes. J'ai 10 minutes de libre tantôt dans le coucher. Fait qu'on a lancé ça vendredi matin, puis moi, j'ai pas pu travailler cette journée-là, parce que j'ai juste fait de la gestion. C'est clair, il y a beaucoup de monde qui ont acheté immédiatement. Michael Larouche, justement, était mon premier acheteur, merci beaucoup. Puis, mais il y a du monde qui attendait ça, vraiment. Là. Ouais, puis moi, il y a beaucoup de monde qui me posait la question, genre « Hey, Rétro Nouveau, je t'en veux savoir ça, comment on fait pour acheter du rétro, je vais dans un content.com? » Ou, le monde ne savent pas où aller. Exact. Fait que c'est cool que vous ayez sorti ça parce qu'il y en a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Non, mais ça marche super bien. Là, depuis là, ça, en date d'aujourd'hui, ça va faire 2 semaines, genre après-demain que c'est sorti. Ouais, à peu près. Il y a eu un gros boom la première semaine. Là, il y a un petit roulement régulier. Puis aussi, les gens, ils m'écrivent « Ouais, ben j'aimerais ça, tel jeu, je peux-tu te le trader contre d'autres jeux? » Fait que là, moi, je fais ça. J'ai changé 4 jeux qui valent, mettons, 80$ contre un StarCraft complet qui vaut 80$ aussi à peu près. Donc, je fais change pour change. Mais moi, en tant que commerçant, l'avantage aussi, c'est que les jeux, je les ai un petit peu moins chers vu que j'achète en lot. Ouais. Fait que d'avoir un StarCraft, ça me coûte moins cher finalement. Donc, c'est un peu ça l'avantage. Puis, je garde des jeux aussi pour ma collection. Oui. Donc, je fais des échanges. J'achète aussi. J'ai beaucoup de choses qui s'en viennent là prochainement. Donc, j'ai eu des super bons commentaires, vraiment aucun commentaire négatif. À part la section rare, là, il y a eu un petit obstinage là-dessus. Est-ce que c'est vraiment rare? Ben, c'est ça. Si tu l'as. Mais le monde, j'ai eu le commentaire que les jeux de la section rare sont pas plus rares que la section pas chère, tu sais. Bon, là, on s'entend, Breath of Fire au Super NES, c'est pas si rare que ça, effectivement. Mais c'est pas aussi commun qu'un Mario Bros. De com, on s'entend. J'utilise pas le mot rare pour crosser les gens, puis les attirer là-dedans, puis booster le prix. Je mets le prix que ça vaut. Puis j'utilise ce terme-là pour genre diriger un intérêt, tu sais. Mais oui. C'est les jeux plus chers un peu. Dans le fond, c'est tous les jeux à 40$ et plus qui se ramassent là-dedans. Ils sont pas nécessairement si rares que ça. Oui, parce que la croyance populaire, c'est que dès que c'est rétro, ça coûte 5$. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont comme oui, les jeux rétro, tu payes ça 2$. Même moi, des fois, je suis vraiment surpris. Là, je vois un jeu NES, je suis comme 50$ pour ça, mais tu sais. Ouais, quand tu sais pas. Exact. Puis il y a un vrai marché pour ça. Puis bon, il y a bien de l'obstinage aussi. Puis d'ailleurs, je veux embarquer en lignée là-dessus. J'ai un rant envers. J'étais un peu fâché, man. Parce qu'il y a un terme dans le rétro que les gens utilisent beaucoup dans les forums, dans les pages Facebook, tout ça. Et c'est le fameux terme revendeur. Le monde, ils sont très fâchés qu'il y ait des gens qui achètent des jeux pour les revendre. T'sais, puis faire de l'argent. Parce que les gens qui font ça, ça fait augmenter le prix des jeux. Puis le monde font ça sur eBay aussi. Ils vendent les jeux trop chers. Puis il y a quand même du monde qui les achète, ces jeux-là. Fait que ça booste en général les prix des jeux rétro. Fait que les collectionneurs, ils sont pas contents que des gens fassent ça. Or, moi, je fais ça, mais je vends des jeux. Mais j'en garde aussi, j'en échange. Je dialogue avec les gens. Ça me permet de garder, de payer les jeux que je garde, tu sais. Oui. C'est pas... Je crosse pas le monde, là, tu sais. Ben non. Puis j'adore les jeux vidéo, tu sais. C'est pas comme une business ou whatever. C'est parce que je baigne là-dedans longueur de journée. Ben oui. Puis Brian Lajoie, qu'on a reçu au podcast il y a longtemps, puis qui est un gros, gros collectionneur aussi. Oui. Collectionneur incroyable, fait la même affaire. Je veux dire, il, à un moment donné, t'as plus le choix, là. Tu peux pas payer à la pièce tout le temps chaque jeu que tu veux. Ben non. Puis tout le monde fait ça, vendre des jeux, là, tu sais. Fait que moi, là, le mot du terme revendeur de marde, là, je suis vraiment écœuré. Parce que je me sens attaqué, veux pas là-dedans, parce que j'en vends des jeux, ben là, oui. Mais je rends des gens heureux, là, je crosse pas le monde. Ouais, là, mais je veux dire, n'importe quel type. Je fais des deals, puis. Mais n'importe quel type de business, de toute façon, c'est comme ça. Tu sais, Future Shop, parce que vous pensez que ça lui apparaît du ciel, genre, il y a un bonhomme bleu dans les airs qui est comme, tiens, des ordinateurs. Tu sais, c'est du t'sais, commerce. C'est du commerce. Faut que t'achètes, puis que tu revendes. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde exact. Se fait une cote, mais moi, pour voir ça d'un œil extérieur, je sais que ta cote est vraiment pas grosse, ben puis tu fais ça par passion. Exact. Puis c'est important que les gens... Je fais pas beaucoup d'argent, moi. Non, tu fais pas d'argent. Moi, ça me fâche que tu fasses pas d'argent. Ben, moi, avec. Fait que, tu sais, si le monde, en plus, te traite de revendeur, c'est comme calice. Ah non, ben c'est pas, ça le pire. Tu sais, je peux faire des fois 2 piastres de profit sur un jeu que je vais être allé chercher à Blainville, tu sais, dans un ben lot, oui. de whatever, là, tu sais, puis je me déplace. En 4 pour rendre la vie des gens plus Je fais des allers-retours à l'entrepôt, puis je paye un entrepôt de ma poche, puis je mets du gaz ben dans oui. mon char, tu sais, puis c'est beaucoup de communication avec les gens aussi, puis de négociation, puis acheter des lots. Que ça soit ça. Passionné c'est quand vraiment même. Totalement passionné, là, tu sais, puis je fais pas d'argent avec ça. Disons que c'est vraiment pas ça qui paye rien, là. Non. Rien du tout. Même ça... moi, tu me payes en jeu ben, vidéo même pour même la toi, boutique. Je te paye en jeu vidéo, c'est vrai. JF, il mériterait de On se faire confirme. Donner des milliers de dollars pour tout ce qu'il a fait, tu sais, je l'ai payé déjà. Puis, mais pas à la pleine valeur de tout ce qu'il a fait. Mais, tu sais, là, je donne des jeux. Oui. Je fais mon possible. Je peux pas y donner tout l'argent non plus, sinon. Ben, tu sais, je le fais par passion, moi aussi, pour l'ensemble du projet de Retro Nouveau. Puis tout ce qui englobe les jeux vidéo. Là. C'est ça. C'est un gros package deal, tout ça. Là. Exact. Fait, y a-tu du monde sur le chat qui me traite de revendeur présentement? Ouais, il y a quelqu'un qui a dit que tu devenais papa crosseur. Mais, non, mais tout le monde niaise, mais personne n'est sérieux vraiment. Là. Papa crosseur. C'est bon ça. Il y a Rick Bonanno qui dit qu'il l'a fait pour toi, livraison à domicile. Fait qu'il t'a dit, fait dire merci, il a sauvé sur le shipping. Toi, t'en as pas parlé, mais le monde peut sauver sur le shipping s'ils font affaire avec toi directement. Chez vous ou au Funzo, mettons, il y a exact. Possibilité de s'arranger avec Très toi. Très important. On a rajouté d'ailleurs dans la section quand tu achètes des jeux dans ton shopping cart, on a rajouté une petite pancarte qui dit que vous n'êtes pas obligé de payer un shipping si vous voulez passer chez moi ou qu'on s'arrange. C'est à la fin du processus d'achat que vous choisissez l'option ouais. ramassage à domicile et puis là, ben, on s'arrange entre nous. Vous payez PayPal, puis c'est réglé. Vous pouvez aussi me payer en personne, mais moi, c'est du taponnage parce qu'il faut que j'aille enlever les jeux à bras dans la boutique, puis que je note ça, tout ça. Tu sais, je préfère de beaucoup que vous payez PayPal, mais en tout cas, ça, c'est un détail. Ça me dérange pas non plus. Mais voilà, donc vous n'êtes pas obligé de payer du shipping si vous êtes à Montréal ou si vous voulez passer. Là. Fait que papacassette.com ou sur le site de Rétro Nouveau dans le menu magasin en haut. Exact. Fait que yeah. Bruno, t'as fini Grand Theft Auto 5. Ouais. Je vais commencer ça en disant, moi, les hosties de revendeurs, là. T'as un peu, je vais m'ouvrir une bière, là. Ouais, mais non, c'est ça. J'ai fini GTA 5. Puis, j'étais bien content. Combien d'heures, Tommy? Ouais, Tommy. J'allais te... En tout cas. Colin, beau bout de ton affaire, man. Non, c'est correct. OK. Ah, fait que combien d'heures? J'ai dû mettre à peu près une 60aine d'heures environ dans ce jeu-là. Puis, j'ai beaucoup aimé la fin. Il y avait 3 fins différentes. Ben, une pour chaque dude, là. Ouais, une pour chaque dude. Puis, je veux pas faire de spoiler, mais il y en a un qui fait petit en sacrifice. Puis que j'étais vraiment pas bien à la fin quand ouais, j'ai, pas de spoiler, quand j'ai vu la finale. Là, j'étais en plein milieu du jeu, moi. Ben, il y a aucun spoiler, man. Il y a quelqu'un non, qui fait petit. J'ai pas l'impression que ça pogner. Peut bien finir pour quelqu'un dans ce jeu-là. Quand les trois vont faire du crime, là. En tout cas... Le crime ne paie pas, les gars. Le crime ne paie pas, man. Non, mais dans GTA, le crime paie tout le temps. Ouais. C'est juste à savoir jusqu'à quand. Mais c'est vraiment en tout et partout, j'ai trippé sur GTA solide, mais je n'ai tellement mangé du GTA pendant un méchant bout que là, je pense que j'en ai plein mon casse. Ben oui. Puis je pense aussi que j'en ai plein mon casse une bonne fois pour toutes des maudits carrés de sable. Ouais, ça, on le savait, ça. Je t'en ai de chauffer pendant 2 heures, hostie, pour ouvrir une mission. Déjà, j'ai assez de chauffer le matin puis le soir. Ouais. Oh, man. On t'avait... Ben non, il y en a des simulateurs de change de couche puis que je coupe tes enfants. Y'a-tu ça? Ben oui, de Sims. Man. Puis de Sims, en plus, il y a des espèces de glitch fucké de bébé qui allonge le cou pis tout le kit. Simulateur de chèvre aussi que j'ai ouais, vu. Simulateur de chèvre. Hey, ça, je pense que c'était pas une joke, là, mais ouais. Je le veux, ce jeu-là. ouais, j'avoue, par exemple. Mais, la collection. Mais c'est le fun, GTA 5, puis j'ai enfin fait le tour, mais est-ce que je vais aller online? Je pense pas, à cause que je vois à quel point Denis Talbot met des heures là-dedans, puis je me dis que j'ai peut-être pas ces heures-là à donner. Ouais. Parce que Denis est vraiment passionné par son GTA Online. Ouais, ouais, ouais. Mais, ah, le monde aime vraiment ça. Ah, le monde adore l'online. Il se dit, c'est comme une deuxième vie. Là. Ah, j'ai l'impression d'en revenir les vraiment. Jours de EverQuest. Là. Mais non, je pense que j'embarquerai pas online parce que j'ai comme un peu peur. Puis là, dernièrement, je n'ai trop eu du GTA. Fait que... Ouais. Bon, alors, c'est ça pour un bout. Je suis un peu triste pour un des personnages. Là. Mais je suis allé voir... je suis allé voir plein d'entrevues de Stephen Hogg. Dernièrement, sur Twitter, je disais à quel point j'aimais la voix de Stephen Hogg puis que je l'écouterais pendant une journée. Tout le monde a pensé que je parlais de chesque, mais je parlais pas de sexe. Je disais que Stephen Hogg avait une belle voix. Stephen Hogg, je vois vos yeux de chevreuil au milieu de la rue. Exact. Vas-tu nous le dire, c'est qui Stephen? Stephen Hogg. Parlons des revendeurs. Non, mais Stephen Hogg, c'est le gars qui fait Trevor. OK. Fait qu'il a une voix, là, incroyable, ce gars-là. Ouais. Fait que là, j'étais allé voir toutes ses... J'ai dû passer, là, comme une journée à juste regarder des affaires puis écouter des affaires de Stephen Hogg. Fait que maintenant, l'avenir de GTA 5, c'est plus GTA 5, c'est Stephen Hogg. Puis c'est rendu ailleurs. Il devrait avoir un jeu Stephen Hogg. Ouais, il devrait avoir un jeu Stephen Hogg, un simulateur de Stephen Hogg. Exact. Stephen Hogg. Et ton simulateur de chèvre. De chèvre, ouais. Je pense que ça ferait un méchant bon jeu. Ça serait bon. Hein. Ça serait écœurant. Ça se vendrait. Fait que c'est ça. Fait que on ferme ça pour GTA 5. C'est fini. On n'en parle plus pendant un méchant bout. Puis bon. On va attendre que les gars de Rockstar nous sortent un autre bully. Ouais, exact. Je veux un autre bully. Ou bien un autre Elle est noire. Ça serait le fun. Elle est noire, ça serait pas mal le fun qu'il y ait un go là-dessus. Il y a eu ben de la marde autour de ce jeu. Il y a eu de la marde. Mais ça mérite quand même, je trouve, ouais. qu'on pousse encore. Mais. Pas un autre jeu de ping-pong. Non. ping-pong. Pas sûr que je vais être capable. Fais-moi une phrase avec ping-pong. Je sais pas. L'envie de pépim-pong. Ah, c'est que c'est fort! Je le savais. Fais-moi donc une scène de Mario là. Ouais, ouais. Oh yeah! Non, en fait, ta joke mérite vraiment plus un champignon, j'ai l'impression. Ah ouais, mais next level humour. Ben, parle-moi de Rain dans ce cas-là. Oui, hey, c'est Rain. C'est un jeu, ça, qui m'intéresse beaucoup. Christy, c'est magnifique, ça. Ouais. Là, j'étais déprimé à cause de GTA, puis j'ai réussi à aller plus loin dans dépression. Exact. Avec Rain. Ben, en fait, Rain, là, c'est vraiment. L'histoire là-dedans, c'est que tu commences, t'es un petit gars. Puis tu sors de mort. Ta chambre. Ouais, ben tu sais pas si t'es mort ou si t'es vivant, ouais. Mais tu sors de ta chambre, puis tu t'en vas à l'extérieur, puis personne peut te voir à part si t'es sous la pluie. Exact. Il y a de la pluie sans arrêt. Puis si tu t'en vas en dessous d'un. En dessous finalement. Un viaduc, ouais. Whatever. Il n'y a pas de pluie. Fait que là, on te voit plus. Mais on voit tes traces de pieds, par contre. On voit tes traces de pieds. La twist là-dedans, c'est qu'il y a des bobites qui se promènent un peu partout, qui sont des espèces d'esprits. Ouais. On connaît pas vraiment leur identité. Puis eux autres, ils te poursuivent. S'ils te voient, ils te tuent tout de suite. Ah ouais, d'un coup, simple, de même, d'un coup comme ça. Okay. Puis ce que c'est ce jeu-là. Faut pas qu'ils te voient, là. Tu peux pas te sauver. Là. Dans la minute qu'ils te voient, bang. Ah, s'ils te voient, t'es fait. Mais okay. Tu peux te sauver pour certaines fois. Okay. Mais en général, tu te fais tuer s'ils te voient. D'accord. Puis, là-dedans, il faut que t'aides aussi une petite fille à sauver justement de ces bêtes-là. Tu te rends compte que la plus grande de ces bêtes-là, c'est le démon. puis il faut que t'aides cette petite fille-là à se sauver du démon et à toi aussi te sauver parce que tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais là. Puis t'es comme dans les rues, ça ressemble à Londres un peu. Ouais, s'il pleut, ouais, ça ressemble à ça. Ouais, pas il mal pleut, aussi. Il pleut pas mal, mais c'est super beau, la musique est écœurante. Il y a des phrases qui apparaissent toujours. Oui. C'est comme un poème, on dirait. Oui, c'est un peu c'est... comme un poème, la façon que c'est. La narration est faite de cette façon-là, mais il y a pas de voix, c'est vraiment juste du texte. Ça m'a fait un peu penser à Unfinished Swan pour ce qui est de la façon de raconter l'histoire. Puis on voit que Sony essaye vraiment de repogner le hook qu'a eu Journey avec plein de jeux. Puis moi, ça me plaît dans le fond parce que ça pousse la démarche artistique. Ça me fait penser à Limbo aussi d'une certaine façon. Exact. T'sais. C'est comme un. Ben, en fait, moi, ce jeu-là, dès que tu le mets à nu complètement, c'est Ico. Ouais. C'est vraiment comme un Ico, c'est pratiquement la même chose, sauf que t'as pas autant d'interactions avec ton environnement. Mm-hmm. Ton environnement te sert à te cacher, mais t'as pas grandes interactions avec à part monter une échelle puis te cacher dans un casier, genre. Fait que puis des fois, faut que tu ramasses une clé pour pouvoir ouvrir une porte. Le jeu va prendre environ 3 heures à terminer. Ah ouais, c'est tout? Ouais, c'est tout. Oh, ça me plaît, ça. Sauf que c'est ça, puis moi... As-tu le temps de le finir? Oui, je l'ai fini. Puis, je l'ai fini, mon gars, en une session. Il me restait un petit bout. En 2 sessions, je l'avais fini. OK. Puis, j'ai adoré. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça excellent du début à la fin. C'est ton genre, ça, beaucoup aussi. C'est mon genre, vraiment. Puis, j'aime ça, justement. J'aime ça, les jeux qui sont poétiques. Poétique, sont beaux comme ouais. ça. Puis, ils essaient de faire vivre des émotions. Puis, d'avoir un petit peu d'art dedans. Exact. Ce jeu-là est très artistique. L'histoire t'amène tout le temps un peu plus loin. T'as tout le temps le goût d'en savoir plus sur c'est quoi l'énigme, pourquoi le petit gars il est visible sous la pluie, puis il est plus là, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est... Exact. T'sais, c'est assez deep quand même. Puis la musique est excellente. C'est comme une espèce de petite musique au piano. Si ouais. vous aimez Ian Tiersen puis des artistes comme ça, vous allez adorer. Moi, j'ai trouvé... Ça ressemble aussi un peu à du Gonzalez des fois, mais c'est vraiment un bon jeu aussi, un bon jeu de plateforme. J'adore les 3D platformers, puis ceux-là, les contrôles sont excellents. Ouais. Ça va super bien jouer à ce jeu-là. Puis aussi, les jeux courts, c'est pas nécessairement une mauvaise chose quand ça tente de... Quand le développeur veut te faire vivre quelque chose, s'il étire ça trop longtemps, comme un jeu comme ça, là, tu fais durer ça le double du temps, mettons un 6 heures, là, ouais. tu viens de le scraper. Exact, hein. Exact. Ça peut pas fonctionner. Puis c'est pour ça aussi, je fais un parallèle avec les jeux rétro. Les jeux rétro, souvent, là, tu finis ça en 45 minutes. Hey, tu dis, toi, mais ton 45 minutes, il est écœurant, tu sais. Exact. Je joue à, mettons, Mickey... Castle of Illusion. Je suis resté surpris à quel point j'ai fini ça rapidement. Moi, je m'installe, ouais. je me dis, bon, à soir, ça y est... donne une go dans ce jeu-là, ouais. finalement, 45 minutes plus tard, c'est fini, tu sais. Ouais. Puis je vais parler de Gunstar Heroes tantôt, ouais. mais ça m'a fait la même affaire, tu sais. Mais c'est parce que c'est le fun, parce que quand tu finis, t'es encore sur ton high, tu sais, oui, t'es encore, t'en veux encore, mais c'est bon d'en vouloir encore. Ouais, comme quand un d'accord. bon film finit, puis tu fais comme, fuck, j'en aurais pris une heure de plus, ça veut dire que t'as aimé ça. Puis pour des jeux comme Gunstar, puis justement, ou des platformers, ou des run and gun, ben ouais. ça donne le goût d'y refaire. Ben oui, c'est, exact. C'est ça qu'il y a de bon là-dedans. Puis Rain, c'est un jeu aussi que tu peux refaire, puis tu vas avoir du fun à le faire. Mais moi, je le conseille fortement. C'est un exclusif à la PlayStation, fait que c'est juste disponible sur PlayStation 3 en téléchargement. Combien? Il y a eu une vente dernièrement. Il l'avait vendu 5$, mais oh. normalement, il est une 10$ maximum. Okay. Mais c'est vraiment un excellent 10$. Si vous avez aimé Journey, c'est quasiment comme... C'est main dans la main. Là. Si t'as Journey, puis que tu tripes, tu vas triper sur Rain absolument. Nice. Excellent. Hey, je vais faire un compte rendu. On est rendu là. Du Geek Show. Je me suis fait inviter. Et ben oui. Rétro Nouveau aussi, d'ailleurs. Oui. Mais je pense pas que tu étais disponible. Mais Papa Cassette s'est fait inviter. Ouais. Aussi, dans le fond, non, je pouvais pas. J'aurais vraiment aimé ça. La première invitation était un jeudi. C'était pas possible. J'avais un Funzo. Mais après ça, il y avait une autre invitation au 10-30, un vendredi. Oui. Tu sais, moi, j'étais à Montréal. Le 10-30, c'est quand même pas à côté. Là, mais mes parents habitent proche du 10-30. Fait qu'on s'est okay. dit, on va faire garder les enfants chez mes parents. Puis on va aller voir le Geek Show ben au 10-30. Oui. Moi et ma conjointe. Gratuitement. Et puis, c'était bien cool. D'ailleurs, ça fait 10 ans que j'étais avec ma conjointe. Bravo! Félicitations! Hein? Hey, on a célébré ça, nos noces de... Hey, il y a un petit sound effect là-dessus, man. T'en as-tu un bon? Oui. 10 ans. 10 ans, Battletoads. C'est tout ce que j'ai. Il est pas très garni. Il va falloir le remplir, là. Non, non, mais une scène, genre. Attends, pour lui donner un petit candy, là. J'en ai, là, mais j'ai des affaires de d'autres podcasts là, que je pourrais y mettre, là. T'as-tu un score, genre, pour la soirée du podcast? Ouais, chose, j'ai toutes d'affaires. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée là, dans les autres soundboards, je pense. Mais c'est ça. Fait que pour célébrer, ben en fait, c'est pas de même qu'on va le célébrer, là, mais ça nous a fait une sortie. Ben oui. Et puis l'invitation venait de Mi Lin and Guyen, donc merci beaucoup. Oui. Je pense que c'est dans le cadre de Juste pour rire, ce show-là. Oui. Tu sais, au Zoo Fest, il était là, pis ce genre d'affaires-là. Fait que dans le fond, il y avait 5-6 humoristes qui étaient là. L'animation était faite par François Boulian. J'en connais aucun humoriste là-dedans. Moi, ouais, Alexandre Douville est un chum que j'aime beaucoup. Un vrai bon comique, ouais. OK, ben justement, on va en parler tout de suite parce que je l'ai adoré. Ben. Oui. Et puis, il était tellement comme nonchalant. Là, ouais. Puis il était comme sur le bord d'envoyer chier le monde. C'est ça que j'avais, il était totalement irrévérencieux, mais il y avait des bons gags aussi, là, je l'ai trouvé super bon, là, tu sais. Ah, c'est un vrai geek. Mais il y en a de l'air d'un vrai geek aussi, métalleux, tu sais, avec son chain wallet, whatever, tu sais, puis ça le faisait au max, là, tu sais. Eh oui. Genre de gars que je vois au Funzo, là, tu sais, puis tu sais, l'ensemble du personnage m'a beaucoup plu. L'animation était faite par François Boulian. Il était très bon. Il était bien cool. Ouais. Son imitation de Excite Bike était pas pire aussi. En tout cas, moi, je suis pas capable. Lui, il avait bien un bon stylement. Ah, c'était hot. Fait que, il était bien cool. Il y avait deux dudes sur un divan, Simon Delisle et puis Yannick de Martineau. Ah, j'adore de Martineau. De Martineau, il est drôle, ce gars-là. Ah, il est tordant, man. Il était hot, là. On le voit souvent, lui, au. C'est quoi, cabaret du Grand Rire ou, c'est des humoristes de la relève. Tu peux les voir, là, un peu à télé si t'écoutes Canal D, là. C'est vrai. Ah, il était veg sur le divan, mon gars. C'est ça qui était drôle avec sa barbe, là, tu sais. Je trouve qu'il a un peu volé la vedette à Simon, là, quand même, là-dessus. Ouais. J'ai préféré Yannick, là, mais c'était tout un personnage, c'est très bon. Il y avait un dénommé Jérémy Larouche, un espèce de grand gars avec des cheveux longs. Ouais. Vraiment, le monde lui dit qu'il ressemble à Mika, et c'est vrai, le chanteur. Là, un grand mec, mon gars, avec des longs bras en fouette, là, okay. Qui est comme survolté puis qui parle. Puis lui, sa gimmick, c'était de jouer avec des jouets sur scène. Puis de, comme s'il était un enfant. Puis tu joues avec des figurines de G.I. Joe. OK. Puis c'était comme un Robot Chicken, mais avec un gars en arrière qui le fait. Mais le concept est intéressant, tout ça, mais finalement, on dirait que j'ai pas accroché. OK. Je sais pas si c'était le scénario de son jeu, tu sais, qui c'était James Bond. Peut-être que t'en as plein ton casque de voir des jouets partout chez vous. Ça se peut aussi. Il était en dernier aussi dans le show, tu sais, peut-être. Okay. Mais j'étais pas brûlé parce que, anyway, c'était pas long, le show. Ouais. Fait que j'ai un petit peu moins aimé. Il y avait un invité spécial aussi qui n'était pas annoncé. Puis cette fois-là, c'était Eddie King. OK. C'est l'haïtien. Oh, oui, ben oui. Moi, je l'avais jamais vu live. Oui. Fait que il était bien. Mais tu sais, ils sont invités, mais ils sont pas des geeks nécessairement. Ouais. Fait que là, c'était drôle de voir comment est-ce qu'il essaie de plugger le geekness à travers un peu des anecdotes de sa vie. Il racontait quand il était jeune que genre il voulait un Nintendo. Puis OK, mais ça, c'est directement tiré de son show solo, ça. Ah oui, pour moi? Moi, je l'ai en DVD, son show qui dure à peu près une heure, puis il en parle de son Commodore ou je sais pas quoi. Il y a eu une Intellivision. Intellivision, ouais, c'est ça, là. Ah, c'est ça, puis il y a eu une Intellivision à la place d'un Nintendo. Puis là, il disait dans. Ce qui est drôle, c'est qu'il disait dans full. OK, bien avant l'Atari, là, tu sais. Là, le monde, il calait des affaires. Moi, j'étais comme Maniavox, Commodore. Finalement, c'est l'Intellivision. C'est venu après, tu sais, mais en tout cas. Ouais. Mais, puis, qui avait une Intellivision ici? Moi, j'étais comme moi. J'aurais aimé ça d'en avoir un sur moi pour y montrer. Mais, les gars sont les glow sticks. Exact. Mais c'était bon, tu sais. Fait que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Puis même si j'avais payé, c'était juste 20$ ce show-là. Fait qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. C'est pas cher. Puis, mais tu sais, c'était pas geek profond, là, par exemple. Ma blonde a pu apprécier aussi. Ma blonde n'est pas geek du tout. Mais c'est ça. Des fois, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus geek, par exemple. Mais Ah, mais là, ça peut. Des fois, c'est pas facile d'être aussi pointu. Non, c'est ça. Ben, et trop pointu, il aurait perdu tout. Oui. Personne n'aurait suivi, puis ça aurait été plate. Fait que, il serait peut-être fourré de Final Fantasy pour Kirka. C'est ça, puis là j'aurais été. J'aurais envoyé un courriel le lendemain. Mise en demeure. Exact. Fait que j'ai eu un bon moment, puis je pense que c'est un show qui revient. Je sais pas s'il y a des supplémentaires en cours. Allez voir sur Facebook, le Geek Geek Show. C'est sur Facebook. Si jamais il y en a d'autres, ça va être affiché là. Sinon, je suis sûr que ça va être dans une nouvelle édition dans le festival Juste pour rire cet été. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Moi, je voulais te parler. Écoute, j'ai enfin une Wii U Pro Controller. Là, c'est drôle parce que j'étais en char avec Bruno. On s'en allait au Canadian Tire, comprends-tu? Acheter des vis pour un abri tempo. Puis là, Bruno, il me dit: est-ce que j'aille ça, acheter des contrôleurs? Ça coûte 60$, puis c'est rien que pour les autres, puis ça me sert à rien. Puis c'est pas un jeu, puis ça coûte super cher. T'as tellement raison. C'est vrai, pareil. On dit que c'est plate à acheter une manette. Mais hein. C'est vraiment plate, tu sais, c'est un mal nécessaire, mais calice. Parce que là, la Pro Controller, je l'avais essayé, puis je m'étais dit... J'avais essayé un événement Nintendo, moi. Ouais, j'avais joué à Ninja Gaiden, justement, avec ça. Oui, puis tu sais, ça allait bien. C'est une manette qui va bien, qui est fiable. Mais je m'étais pas... j'avais pas le goût de l'acheter. Puis là, c'est drôle parce que je joue avec ma fille sur la Wii U, tu sais. Fait qu'on joue à deux. Puis, Colin, moi, j'ai tout le temps le Wii Mode puis Nunchuck. Puis ça m'écoeure sur une machine, tu sais. C'est clair. Puis là, j'ai juste les... Juste une manette de fortune. J'ai haï ces manettes-là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, le Pro Controller, j'ai fini par l'acheter. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Puis il y a bien des jeux qui en tirent avantage, que j'ai même... Ça, je trouve ça triste, par exemple. J'ai même plus de fun à jouer qu'avec le gamepad. Ouais, là, c'est ça. Ça me dérange. Mais toi, t'es old school, là. Ouais, je suis très old school. Puis t'aimes le côté viril que te procure cette manette-là. Totalement. mais c'est ça, tu sais. Là, tu te dis comme: ah, fuck, je suis en train de délaisser mon gamepad. C'est peut-être pas bon. Mais tu sais, des fois, ça te dérange pas. Parce que il y a des jeux que avoir un gamepad, ça apporte pratiquement rien. Tu sais, comme Super Mario 3D World, ça apporte pas grand-chose d'avoir un gamepad. C'est exactement le jeu sur ta manette, tu sais. Fait que, mais ça vaut la peine. Écoute, si vous hésitez à acheter une manette Pro Controller, allez-y, Colin, ça vaut la peine. Mais hein. Puis je voulais parler de Heavenly Sword. Ben oui, pourquoi tu veux nous parler de ça? Je veux parler de Heavenly Sword, puis là, c'est comme... ça sort de n'importe où, ça. Mais c'est parce que... T'as fini ça il y a 3 ans. j'ai fini ça il y a un méchant bout. Man, c'est un jeu, ça a sorti à la sortie de la PS3. C'est genre en 2008 ou même peut-être un peu plus tôt. Ouais. Puis c'est Ninja Theory qui a fait 2007, ça. 2007, en fait. 2007, merci. Voilà. Jeff. Le 12 septembre 2007, pour être plus exact. Bon. Tabarouette. Ça, c'est précis. Mais c'est ça, la gang qui ont fait ça, c'est les mêmes qui ont fait DMC Devil May Cry, c'est eux autres qui ont fait l'excellent Enslaved Odyssey to the West. Puis c'est ça, je voulais comme me replonger là-dedans parce que Nariko, moi, c'est une de mes préférées, je l'adore, là. Maudit qu'elle me plaît, j'ai trouvé cœurante. Puis en plus de ça, ce jeu-là, dernièrement, les gens en parlaient parce qu'il y a un film qui va se faire de Heavenly Sword. Ah, ouais. Oui, parce que Sony s'est lancé là-dedans dans le projet ambitieux de faire des films avec pratiquement toutes leurs licences. Fait que là, d'ailleurs, ouais, dernièrement... Ça, c'est leur licence. Ils ont fait un jeu il y a genre 5 ans. Ils ont fait un jeu, sauf que le jeu n'est pas nécessairement mort dans l'œuf. La critique n'a pas trippé au départ, puis ont été vraiment durs avec le jeu. Ah ouais. Mais les gens qui ont joué ont trippé, puis Ninja Theory a réussi à avoir une tonne d'appréciation de plein de monde puis de contrats à cause de exact. Ça. Puis ce jeu-là, ce qui est chiant, c'est que moi, j'y rejoue maintenant, après tout ce temps-là, avec du recul. Quand j'avais fait la critique à Monsieur Net, la PS3 venait de sortir, j'avais donné un 9 sur 10, et je reste encore sur mon 9 sur 10 maintenant que j'y ai rejoué. C'est vrai que des fois, il fallait contrôler avec la 6-axis pour contrôler tes flèches et tout ça. Ouais. Pis ça écœurait un peu, mais ça fonctionne quand même bien. Puis il y a beaucoup de gens qui ont reproché de ressembler à God of War. Ouais. Eux autres s'en ont jamais caché que c'était comme un clone de God of War. Ils ont utilisé le même engin pour faire le combat. Ils ont utilisé une base stable pour bâtir un jeu, pour bâtir une nouvelle licence. Exact. Maintenant, le but de ça, c'est d'avoir une suite, puis d'avoir un autre jeu, puis là, il n'y en a pas encore. Mais j'ai rejoué au jeu, il est super le fun. Si vous le trouvez, Colin, moi, c'est le jeu que ça, je voudrais là. Ça pour mettre dans ma collection, justement. Ouais. Genre de jeu, ça, Mirror Edge. Oui. Mirror's Edge. Mirror's Edge, oui. Puis genre de jeux de même qui ont un peu passé en dessous des radars. Oui. Qui sont excellents, là. Mais c'est ça, je trouve ça dommage que ça ait passé en dessous du radar, ce jeu-là, parce ouais. que c'est un excellent jeu. Puis, tu sais, il y a Circus, le gars qui fait Gollum. C'était ouais. lui le méchant. Ah oui? Puis, celle-là qui fait Nariko, j'étais vraiment surpris. c'était celle-là. Julia Roberts. Non, c'était pas Julia Roberts. Pour les gens qui trippent sur Fringe, c'est Anna Torv. C'est Anna Torv, celle-là qui fait. C'est Olivia Dunham dans Fringe, Dunham. Qui est le personnage principal de Fringe. Exactement. C'est une excellente série d'ailleurs. Ben oui, mais ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est, c'est elle. Dom, il y a la même face que quand on parle de hockey. Exact. Qu'est-ce que je dis? Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai découvert plein de choses sur ce jeu-là, puis j'ai recommencé à y jouer, puis je l'apprécie beaucoup. Nice. Je pense qu'il faut l'acheter si on le voit, surtout qu'il coûte quasiment plus rien, ce jeu-là. Ben ouais, non, parce c'est que ça. Tout le monde s'en sac. C'est à regarder dans le bas du racking chez Epic Games. Ouais. Tous les jeux qui sont sur le side, là, tu sais, avec ça. Les jeux de PlayStation 2, il y en a genre 12 000, puis là, il faut tout que tu lises les tranches des jeux pour essayer de le trouver. Mais quand oui. tu le trouves, t'es comme, yeah! Puis là, attention, là, le film va sortir. Tout le monde va vouloir l'acheter. Le jeu va prendre la valeur. Le jeu va prendre la valeur. Alors, vous allez pas vous mettre riche avec ça, mais gardez-le. Faites comme moi, puis gardez-le pour toujours. Et oui. Et, ça va valoir cher plus tard. Mais, hein. D'ailleurs, parlant de film de Sony, là, si c'est pas déjà fait, parce qu'on l'avait mis sur le Facebook de Rétro Nouveau, allez voir le trailer pour le film de Sly Cooper. Ouais. Ça a l'air vraiment écœurant. C'est vraiment beau. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment. Ils l'ont, là, le look des personnages. C'est exactement ça. Il y en a un autre qui s'en vient aussi. Quelqu'un dit qu'il y a Ratchet and Clank. Ça Ratchet and Clank film. Aussi. Ah ouais. Fait que Sony sont sur une lancée. Là. Ils vont lancer tout ça, ces films-là de leur licence. Puis il est à temps, tabarnouche, parce que même Microsoft, eux autres, ils ont été plus rapides là-dessus. T'sais, Halo, ça fait un bout qu'ils travaillent là-dessus. Gears, ils devraient avoir quelque chose aussi. Puis il y a des jeux. Il y a d'autres jeux aussi qui ont des films, t'sais, comme Dead Space a son film, Devil May Cry a son film, fait que Street Fighter a son film. C'est ça le problème. Hey, Street Fighter, man, les animés sont malades. C'est vraiment bon. Des mangas japonais. Oui, du Japanimation, mais de Devil May Cry, Street Fighter, le film de Dead Space qui était sorti. Bon, vraiment bon. Écoute, j'ai pas vu ça. J'ai vu aucun Resident Evil. J'ai pas, t'sais. Ouais. Oh non, mais là, on j'ai parle pas besoin de films d'animation, ça, en fait. Ça, ouais, OK, des films d'animation. Mais, t'sais, en même temps, c'est sûr que c'est pas rétro, c'est plus nouveau. Mais non, mais c'est pas ça la question, question là. T'sais, mais en tout cas, ouais. T'as de l'air sûr. Là, moi, j'en... Là, sois pas déçu là, quand tu vas aller voir le nouveau Robocop et que ça va être de la merde en hey passant. Il y a eu des critiques, puis les critiques sont super positives. Là, c'est-tu que je suis content? Hey, attends, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement que c'était de la merde? Ah, Wolverine, man. Ouais, ça a l'air que c'est pas bien bon. Je l'ai pourri, pas vu. Hein. J'ai pas le goût c'est de le voir. J'ai peur. Ça, mon gars. C'est pourri, là. C'est vraiment mauvais, là. Mais toi, vous spécifiez que t'as vraiment détesté Avengers. Hey. J'ai pas détesté Avengers. Ben, t'avais dit Avengers. Mais j'ai jamais quel vu, point. Marde, point. D'habitude, hein? Ouais, tu m'as déjà dit ça. En tout cas, mais. T'étais fâché d'avoir perdu ton hypé, temps. J'ai ce film-là. Ouais, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Là, quand quelqu'un t'a hype quelque chose, tu sais. Non, c'est puis ça. Je t'avais dit que les Doritos au barbecue étaient les meilleurs au monde. Non, n'importe ça, on va prendre du sujet. Mais anyway, tout ça pour dire Wolverine, c'était pas bon. Les films de jeux vidéo, je les crains un petit peu. Mais moi, je suis pas très film. Si on peut dire geek. Ouais. J'en aime pas beaucoup. Mon meilleur film de super-héros, c'est genre The Watchmen. Ouais. C'est ça, The Watchmen? Ouais, The Watchmen. C'était bon, sale. Ouais, c'était excellent, ça, Watchmen. C'était bon, tu sais. Ouais. Mais, tu sais. X-Men First Class, c'était excellent. Ah, je l'ai pas vu, ça. Hellboy, encore. C'est excellent. Oui, ça, c'était bon. Mais X-Men 3. Ouais, X-Men 3, c'était style marre, là. C'était épouvantable. Spider-Man 3, c'était épouvantable. Ouais, Daredevil, à cause c'était qu'il épouvantable. Danse. Tout est épouvantable. T'sais, non, il y en a des bons, c'est juste qu'il faut. C'est un sur 10, c'est un sur 10. C'est ça, il faut j'ai même garder le les bons. Captain America, c'est super bon. Ouais. Anyway, on part pas là-dessus, là. On ça, c'est pas pour les mystérieux étonnants, Calix, c'est pas notre podcast. Ouais, ça. Non, c'est ça. Mais vu que je suis craqué, je vais parler, man, d'un glitch que j'ai. Batman Arkham Arkham Origins Blackgate. T'as-tu encore le même glitch que la dernière fois? T'étais ben, comme c'est un, c'est un game. C'était comme un game breaker. Un game breaker. Ouais. Comment est-ce qu'ils disaient ça? Un game killer glitch. En tout cas, whatever. Ça ne fonctionne plus. Faut que j'aille dans l'ascenseur. L'ascenseur ne s'actionne pas. Okay. Je peux pas aller plus loin. Puis c'est drôle, hein, parce que quand j'ai joué à ce jeu-là, puis à un moment donné, je suis comme tombé dans un trou où est-ce que ça avait aucun fucking rapport que je tombe là, mais ouais. En tout cas, par un mauvais bouton, je suis tombé. Non, dimension. Dans, ouais, dans. Es-tu tombé sur le premier écran de la 3DS? Est-ce que ça serait mal? Ça serait normal. Non, mais il y a tout il y avait un fond au loin, puis il y a tout un panneau. Genre, la moitié du fond est disparu. C'était noir. comme la texture est partie. Wow. Puis là, Batman, il a comme vagué dans le vide. Il volait. Il a jamais atterri. Il a jamais fini par... Ça a été long avec qu'il tombe dans le trou. Sans joke, là, ça m'est arrivé à moi. Puis là, je t'allais... De tomber dans un... Live, là, dans la vraie vie, ça t'est arrivé à toi de tomber dans un trou. Non, non, laisse-moi finir. Puis là, ça m'est arrivé à moi quand même assez facilement, là, on s'entend. Puis les gens, là, qui leur job, c'est de tester les jeux. Là. Ouais. Et tu peux pas passer à côté de ça. C'est arrivé plein de fois. Je suis allé sur Internet, plein de monde ont eu des affaires semblables. Des game killer glitch de même. Il y en a genre 4, là, dans, dans ce jeu-là. Je me dis, mon Dieu, mais ils mettent ça sur les tablettes, tu sais, ça n'a pas d'allure, ça. C'est-tu juste la version 3DS qui a le glitch? Ben là, je me suis pas renseigné. Parce que c'est peut-être ça aussi, parce que de base, ce jeu-là a été fait pour la Vita. Mais quand même. Ils l'ont porté pour la 3DS. Check. Non, je sais que ça n'a pas de calique d'allure, tu mais... Tu fais pas ça, là, t'sais. Mais non, non, je sais. Après ça, moi, je joue à Zelda, tu sais. Le jeu, il n'y a aucun jeu Nintendo qui a jamais un bug, tu sais. Puis aux soirées Funzo, Nick Cooper... Non, mais c'est Cooper, sûr, c'est parce que t'as pas de troisième dimension. C'est la troisième dimension qui fuck tout. Ben non, man, ça n'a pas rapport. Oui, mais ça... Nick Cooper, qui est au Funzo, qui travaillait pour Nintendo à Seattle, m'a dit que quand il testait les jeux Nintendo, genre, une erreur et demie, c'est trop, tu sais. On recommence, puis on laisse jamais sortir un jeu qui a ça, là, t'sais. Ben, c'est pour ça que ça prend 6 mois. Exact, mais au moins, ton jeu, il marche, tu sais. Exact. Là, Batman, ah, je suis bien d'accord. Tout croche, man. Ça m'aurait pas dérangé de l'acheter 6 mois plus tard, puis de pas que ma game marche, là, t'sais. C'est quoi cette affaire-là, en tout cas? Ben, c'était pour t'amener dans la dépression du personnage de Batman, t'sais. Ah, ça m'a déprimé solide, là. The Dark Knight. Pas content. Le Dark Knight, man. Dark Knight. En tout cas, je voulais juste vous dire ça. Faites attention quand vous jouez à ça. Commencez par le pingouin, ça a l'air qu'il faut faire ça. Moi, j'ai fini par le pingouin. Alors, ça peut être une solution pour éviter le glitch d'ascenseur. Il est fun à taper le pingouin. Ouais, je sais pas, je le saurai jamais. Je recommencerai l'année prochaine. Bon, hey, on est rendu à... Ben oui. On s'est rendu à la question. Ouais, ouais, on s'est rendu à la question. Feuilles, sors ici. Ton papier. J'ai des feuilles, en fait, plus qu'un papier. On va y aller, on va se faire, comme l'autre fois, un bloc à moitié, puis après ça, on va revenir pour le reste des commentaires. Ben oui, ouais, dans le fond, on va prendre les questions du public un peu, on va prendre une petite pause. Oui, ouais, après ça, on va repartir, puis on reviendra à la fin avec le reste de mes commentaires. Donc, la question cette semaine était, quel jeu rétro ou nouveau avez-vous acheté à cause de nous? Nous étant rétro nouveau. Exact. Beaucoup de réponses cette semaine. Seb Bouchard qui dit que Zexiz, un bon jeu pour la NES. Lui en plus, il dit qu'il écoutait le podcast en se prenant dans un marché aux puces, puis il est tombé sur Double Dragon Neon, qui a capoté. Ah ouais. Dominique Jean nous dit Carnov. Michael Larouche dit Codename Viper, Double Dragon Neon, Carnov, Mutant Mod, Steam World Dig, Subterraria, Xexiz. C'est drôle pour Subterraria, parce que j'en ai juste parlé 2 secondes. Mais il devait déjà savoir c'était quoi, en fait. Il doit s'être dit dans sa tête. Ah ouais, c'est vrai ça. Just a little push. Il y a Nick Chalifou qui nous dit Darkwing Duck. Et il nous dit aussi Vanquish. Vanquish. Muramusa Rebirth sur la Vita, Power Blade au NES et Nick Verge qui nous dit Vanquish lui aussi. Vanquish. Quelqu'un nous dit Lego Marvel Super Hero, Samuel Larouche Ease Memories of Salsetta, Lego Marvel et je n'ai pas pu m'acheter une Ouya. Bon. Ouais, ça a l'air qu'on a convaincu du monde de passer. Ça, c'est drôle. Mais c'est le fun de voir. Ben, tant mieux. Il y a une couple de Carnov aussi qui sont passés. Je m'attendais. Ouais. Désolé, hein, c'est pas, tu sais, malade non plus. C'est un jeu de fun à avoir, là, tu sais. Philippe Rioux qui nous dit la Wii U, puis que sa blonde y a donné Mickey Castle of Illusion au Genesis à Noël. Great. Ouais. Encore un Double Dragon Neon qui revient. Sinon, Hard Corps plutôt, Uprising. Oui. Ouais. Maxime Côté dit Run Saber au Super NES. Hey, ça, c'est drôle parce que j'en ai fait un dans le genre de Strider. Ouais. Puis c'est là que j'en avais parlé. Je pense que j'en ai vu 2-3 commentaires de Run Saber. Il va vraiment falloir que je fasse une critique Run Saber complète là, à un moment donné. Certain. Alex Meunier qui dit Batman Arkham Origins Black Gate. Hey. Dominique Gagné dit Mark of the Ninja. Ah ouais, hein? Oui. Stéphane Grenier qui nous dit que dans son cas, Bruno, tu lui as vendu une Wii U à force de t'en entendre parler, il a cédé puis il est pas déçu jusqu'à maintenant. Ben, merci. Il y a encore du monde qui pense que j'aime pas Nintendo, Colin. Je fais vendre des consoles. Quand même. Thomas Vachon, Mark of the Ninja et Sonic Generation. Ça vient, je pense, d'une capsule de 2012 de Sonic Generation avec Benoît Mercier. Avec Benoît Sonic Mercier, Generation avec Benoît, oui. Il ici. Uncharted, il y a quelqu'un qui était fan de Tomb Raider. Bruno, t'arrêtais pas de dire que c'était le même genre qu'Uncharted. Fait qu'il les a tout achetés. Fait que lui, il a vidé son portefeuille sur la trilogie de Uncharted. Hey, quel bon achat. Fantastique. Michael Como, une Wii U et Darksiders 2. Oui, hey, ouais, bon combo ça, man. Kevin Doré Poudry qui dit c'est niaiseux, mais j'ai acheté un jeu de Game Boy, Revenge of the Gator. Ça, c'est drôle. Yes! C'est dans RDV RN2. Ouais. Là, je pense que quelque chose de même. Tu avais mentionné que, oh oui, c'est vrai, j'ai acheté cette affaire-là aussi. Oui. Sur la eShop de la 3DS. Là. Exact. J'aimerais ça l'essayer, moi aussi. Il y a plein de monde qui l'aime pas, ce jeu-là. Moi, je l'adore. Même l'acheter en copie physique, ça coûte 2$. Colin. Maxime Lauzon s'est acheté une 3DS après Noël à cause du gala. Il dit qu'il pensait jamais se repayer une Game Boy, mais la pression de Pokémon et de Link Between Two Worlds était trop forte cause de nous. Stéphane Talbot dit Bio Miracle, donc Baby Mario. Ben oui, de la boutique, je pense. Il m'a acheté ça comme. Hey, j'ai affiché ce jeu-là hier matin, puis pendant que j'étais en train d'afficher d'autres jeux. D'un coup, ce jeu-là a été acheté. Là, j'ai eu comme un fatal erreur et un glitch. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bug. Il a acheté le jeu genre en une minute. Aïe, aïe. Pendant que j'étais en train d'afficher les autres. D'ailleurs, pour Baby Mario, je fais juste signaler aller sur rzweb.com, écouter le dernier épisode de Je joue le jeu qui est excellent sur ce jeu-là. Ouais, ouais, c'est y a une belle petite histoire en arrière de ce jeu-là. Ouais. Guillaume Couture vous la raconte très bien. C'est allez voir ça, c'est vraiment super passionnant. Il y a Jacques Germain qui nous dit Vanquish lui aussi. il s'est abonné au PSN aussi à force d'entendre Bruno jouer sur le PSN, PS Plus. J'y jouais sans arrêt. Danick Levasseur, Rush and Attack. Hey, malade, mon gars. Hey, Rush and Attack. Ouais, lui, il dit ça. Juste un couteau puis 3-4 roquettes suffisent pour sauver le monde. Exact, mon gars. C'est hot. Notre premier podcast à la vie. Hein. Manu Ouellette aussi qui a acheté une PS Vita, une Wii U, Turtles in Time, Game Boy Color pour Zelda Oracle, Game Boy Advance. Bientôt une NES Mega Man. Qui est venu chez nous aujourd'hui m'acheter un NES. Ah ouais? C'est pour ça qu'il dit bientôt une NES. Il est venu ce matin. Puis il a acheté Double Dragon, Zelda et Mario 3 en plus. Puis qui m'a linké des jeux Atari qu'il y avait dans un pawn shop proche de chez eux. Fait que j'ai pris mon char, j'étais allé acheter ce que j'avais pas. Tight. Ça, c'est le fun. Puis mais Patrick, sans souci, qui dit Enslaved et puis Tomb Raider. Nice. Oui. C'est le fun à voir ça parce que moi j'étais curieux, tu sais, on a fait. Attends, on a un autre batch, hein? Ouais, j'ai un autre deux pages pour après. Ok, on se fera un petit résumé à la fin. Non, là, mais tu sais, on fait vendre des affaires. On devrait demander des cuts, man. Moi, personnellement, j'ai acheté une Vita à cause de Bruno à force d'en entendre parler non-stop. Je pense que t'en as fait vendre pas puis, mal. Pour les jeux Vita, je vais dire Tearaway, tu m'as vendu là, à force de dire que c'était fou. Puis faut que je le dise que c'est incroyable, Tearaway. Chapeau. Là. By the way, Bruno, la dernière fois que j'ai vu Nick Chalifou, il me demandait si. Je le vois à toutes deux semaines au Funzo. C'est un trooper vraiment. Puis tiens, il voulait te donner ça. Aïe, aïe. Tearaway. C'est donc bien cool. Ah, merci Nick. Waouh. C'est génial ça. Très nice. Merci. C'est le fun, les petits gizmos comme ça. Ah, mais hein, ça sent. C'est mon. Puis dans le chat, il y a Dan Vaillancourt qui dit que Dom, il a fait acheter Shantae. Shantae, hein, ouais. D'ailleurs, j'attends. Shantae. Ça va être vraiment bon. Mais il dit qu'il a pas trippé tant que ça. Non. Ben, moi, à un moment donné, dans Shantae, je me suis perdu. Puis Shantae l'original. Shantae Risky Revenge. Ok, Risky's Revenge. Risky Revenge, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais à un moment donné, je me suis mis à me perdre. Puis puis là, j'ai acheté Shantae 1, l'original, puis je me perds présentement. Là, il faudrait qu'il arrange ça avec le prochain. C'est là, comme parce un Metroidvania, mais... tendance à décrocher des fois à cause de ça. Mais finalement, comme je trouvais mon chemin, je l'ai fait. Faut pas que tu lâches ta game, Shantae. Non, c'est ça. Tu peux perdre ton chemin rapidement en avec les portails. Puis faut pas que tu lâches Shantae. Ouais. Tu tiens Shantae tout le temps. Joue à Shantae en buvant une Shantae. Puis avant d'aller à la pause, aussi à Rétro Nouveau, on va faire quelque chose au podcast. Il y a mon ami Patrice Bourgeot qui a fait la musique de Rétro Nouveau. Oui. Lui, il fait de la musique de jeux vidéo, dont Mercenary Kings, Ninja Senki pour Tribute. Puis là, il travaille sur un autre projet qui s'appelle Castronauts, qui est un gravity shooter. C'est un jeu... Il est Kickstarter présentement. Fait que lui, il fait la musique de ça. Puis il fait des remixes de jeux NES aussi sur son SoundCloud. Il met tout ça sur son SoundCloud pour le plaisir. Fait qu'on va se servir de la musique qu'il fait, des remixes de NES qu'il fait, comme musique de conclusion du podcast. Oui. Alors aujourd'hui, on va mettre le remix de Ninja Gaiden 2 au NES, la musique d'intro de ce jeu-là. Il a fait un remix, c'est vraiment bon. Et puis on vous demande à vous, proposez-nous des jeux NES que Patrice pourrait faire un remix. Et puis, ça va être cette tune-là qu'on va mettre à la conclusion du prochain podcast. Donc, allez-y avec des classiques, là, tu sais, pas des affaires trop compliquées. Quelqu'un avait demandé Solstice. Ouais. Genre, de la musique, là, c'est con, super, super obscure, compliqué, là, tu sais. Mais il a fait un Carnov aussi, tu sais. Fait qu'il s'amuse bon avec son ça. Musique Carnov. Puis, lui, ça le garde dynamique, là, tu sais. Ça le fait travailler un peu. Fait que c'est ça. Alors, proposez dès maintenant, puis on va prendre en note. Donc, des jeux NES que vous aimez, ça peut être n'importe lesquels. On y va en musique avec le thème de Heavenly Sword. Hey, c'est moi qui pense ça. Oui. Puis, vu que j'ai pas pu finir ma game de Batman, j'ai joué à l'autre jeu que j'ai acheté dans le temps des fêtes, Zelda A Link Between Worlds. Oui. Puis, il était ton gagnant, jeu 3DS dans le gala. Ben oui. Mais on n'a pas parlé plus que ça, par exemple. On n'a pas parlé ensemble. Non, puis, c'est vrai. Moi, je suis rendu à la fin. Il me reste le dernier palais à faire. OK. Ben, je présume que c'est le dernier. Là, j'ai toutes les peintures. Ouais. Mais là, ce que je fais, c'est que je ramasse les petits poulpes. Ouais. Je les veux toutes, ces petits poulpes-là qu'on prend dessus. Puis en même temps, en fouillant pour ces poulpes-là, ben ça me fait retraverser la map de long en large, puis ça me fait soulever des roches que j'avais pas pu soulever parce que j'avais pas le gant. Exact. Puis à cette heure que j'ai d'autres affaires, ben le jeu. T'as-tu tout acheté ou c'est tout encore en location? La minute que j'avais de l'argent, j'allais acheter immédiatement pour régler ça. C'est ça, tu t'en rends compte rapidement. Un moment donné, c'est comme, ouais, comment ça te gossant là, de louer là? Ah ouais, non, c'est clair. Puis moi, je pensais qu'il arrivait quelque chose quand t'achetais tout. Puis non. Ah non, il arrive à ben, rien. Pas pour l'instant, en tout cas. Là. Mais ce que j'ai trouvé le fun de ce jeu-là aussi, c'est quand tu t'aperçois qu'il y a deux mondes. Ouais. Tu sais, parce qu'ils te mettent pas ça direct au début, là, ça prend comme 2-3 heures, puis à un moment donné, ben, whoop, il y a un autre monde complètement. Ben, on pouvait s'en attendre un petit peu fini. Parce que oh, le Link Between Worlds. Mais c'est beau. C'est rendu mon Zelda préféré. Oui. Ben, moi, j'étais toujours, comme beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup A Link to the Past. Oui. Mais moi, j'aime les top-down. Oui. Fait que c'est ça. Puis j'avais peur en jouant à ça. Je me dis, bon, ça va être la même affaire. Oui. On s'en sac. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est rapide. Puis l'animation du personnage est. Link est fluide. Oh oui, les vraiment, contrôles là. Sont bons, là, tu sais. Puis il n'y a pas de niaisage. Puis quand tu merges dans un mur, ça y va tout de suite, clac, c'est snappy, là, tu sais. Les contrôles sont snappy. Tu tires, tout est. Ça, même si c'était le même jeu, à cause que les contrôles sont tellement mieux. Oui. Mais c'est subtil, tu sais. Mais c'est dans le feeling général. Mais ça m'a beaucoup plu, là, tout de suite en partant. Puis j'adore aussi qu'on ait tous les items au départ. Oui. Comme ça, tu peux toutes les louer, genre, puis faire ce qu'il y a plus de niaisage. Plus de niaisage, tu sais. Ça, c'est vraiment le fun. Si jamais t'as. C'est même pas important dans les donjons, ben plus tard, oui. Oui. Mais pas toujours au début d'avoir l'item précis tant que ça pour faire les trucs. Mais puis si t'en as besoin, ils te le disent. Donc t'es pas trop dans la merde. En fait, j'ai jamais aussi, dans la merde dans ce jeu-là. Moi, une des affaires que j'ai le plus apprécié, c'est qu'ils ont pu savoir justement la fameuse sorcière qui vient d'un coup de cloche. Là. Ouais. C'est comment, ouais, viens me faire un lift, tabarnouche. Ça niaise pas. On va à l'autre hein? bout de la map. Ça niaise pas, c'est ça. Ils ont comme tout enlevé les irritants Zelda-là. Tu sais, t'as tout ce que t'as besoin pour te couper. Puis dans le fond, c'est ça, cette sorcière-là, elle nous voyage de point de save en point de save. Ouais. Fait que si, mettons, je suis dans le deuxième monde. Puis là, je me rends compte que j'ai beaucoup d'argent parce que j'étais en plein milieu d'un donjon. Oui. Puis là, dans ce donjon-là, à un moment donné, il donne un warp pour sortir, tu sais, pour aller saver. Exact. Ben, je sors, je save, je merge de monde, je m'en retourne voir la sorcière, je remplis mes pots de potions, je vais voir, comment il s'appelle, Ravio, le vendeur. Oui. Je dépense tout mon argent pour acheter les items, puis en 2 secondes, je retourne dans le palais où j'étais, man. C'est parfait, là! Tu peux être partout tout le temps. Moi, c'est très cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien fait. Puis les deux mondes sont le fun. Et puis, j'ai pas fait tous les petits jeux, par exemple. Il y a un petit jeu de baseball à un moment donné. Ouais. Je présume qu'il te donne un bout de cœur à la fin de ça. Mais c'est bien. C'est souvent une récompense en rupies, mais. Moi, j'ai plus par m'étonner de ces affaires-là. Ouais, ça me tente pas de les faire. Pas ça, en ça tout. Ça m'intéresse pas. Les courses, puis les jeux de baseball, tout ça. Tu sais, je m'en sac, là. Ouais. Mais les boss sont beaux, hein. Oui. Ah, vraiment. Ils sont hot, là. Vraiment, ils sont très impressionnants. Ils sont vraiment hot. Moi, une affaire que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de pouvoir voir tout ce monde-là qu'on connaît parfaitement d'une perspective 3D, d'une autre perspective. Oui. Puis quand ils l'amènent, cette perspective-là, c'est comme. Ben, justement, c'est fluide. Comme les contrôles, puis tout. T'as pas l'impression que. Justement, t'as pas l'impression que le jeu rush d'aucune il part. Rush jamais, ça rush jamais. Tout est tout le temps fluide. Il y a presque pas de loading, jamais. Exact. T'sais, même la carte, la façon qu'ils ont fait la carte, que tu peux zoomer dedans, puis tout est super intuitif. Ouais. Tu peux t'as mettre plusieurs des façons. Ouais. Pour, moi, j'en ai mis un peu partout quand je manque des affaires. Il y a aussi t'as plusieurs façons de pouvoir avoir comme ton quick select pour tes armes. Ouais. Ça, c'est quelque chose de super pratique. C'est super t'sais. Bien utilisé le menu, justement, effectivement. On dirait qu'ils veulent comme tout te donner. On dirait qu'il justement, il y avait comme une liste de ce que tous les fans ont ragé pendant des années. Puis là, ils ont fait comme check. Tu peux plus te plaindre de rien dans ce jeu-là. On n'est jamais perdu, tu sais. Rien que tout de passe, à un moment donné, des fois, tu cherches. Là, oui, vraiment. Puis dans beaucoup de Zelda, c'est le même. Oracle, c'est le même. T'sais. Puis Link's Awakening, je suis pas mal sûr que c'est le même aussi. Mais là-dedans, jamais que tu niaises. Non. Puis c'est merveilleux pour ça. Puis, OK, là, il y a du monde, il y a des puristes de Zelda qui vont dire ouais, c'est pas pareil comme avant, parce que c'est ça qui fait la beauté de Zelda, être perdu, gossé. Mais fuck that, là. C'est parce que les jeux sont mal faits que t'es perdu. moi, je suis content que ça coule. Ben oui, vraiment. Puis justement, j'ai tout le temps envie de jouer parce que ça coule. Si j'étais perdu, puis là, je me dis, bon, On va rembarquer dans ma game, essayer de trouver c'est quoi le style d'affaires. Ouais. T'sais. Non. Là, c'est terminé avec ce jeu-là. Non, puis aussi, ce qui est le fun, c'est que si tu te trompes parce que ça fait genre 3 semaines que t'as pas joué, ben au moins, t'as ces fameux checkpoints-là qui peuvent t'amener du point A au point B rapidement. Exact. Même si tu retrouves pas ton chemin tout de suite, ben tu vas peut-être partir sur un autre quest tout simplement, puis oui. Revenir plus tard, puis ça sera pas grave. Moi, j'ai adoré le fait que tu puisses faire les donjons dans l'ordre que tu veux. Absolument. C'est comme, regarde, décide c'est quoi ton expérience, décide c'est quoi ton quest, puis nous autres, on le fait le reste, puis c'est vraiment bon. Les bots pour sprinter, là, oui. J'ai comme catché bien tard comment réussir à les avoir. Okay. Puis jasé avec des gens au Funzo aussi. Il y a du monde qui ont comme fini le jeu puis ils ont jamais eu les bots, ouais, pour sprinter. Là, ben, c'est cool. Fait que ça. Pour te montrer à quel point c'est quand même. L'expérience de tout le monde est différente. Exact. Ouais. C'est ça la différence. T'es pas obligé d'avoir telle chose pour faire telle chose. Vraiment. Ouais. Puis si jamais tu les as pas les bots, ben il y a un mini-jeu que tu pourras c'est pas ça. Faire. Puis il va te manquer des rupies. Puis c'est pas plus grave. Là, mais c'est rare un jeu que la réponse est positive partout. Ouais. J'ai jamais entendu personne chialer contre ce jeu-là, vraiment, à part justement qu'il y a peut-être quelques puristes qui ont fait, ben, c'est pas Link to the Past, c'est ça, ouais, jamais Link to the Past. C'est meilleur, man. Puis moi, je suis un peu fini de Link to the Past. Puis ça je peux ça te dépasse. Dire que ça, c'est meilleur, là, vraiment. Mais oui. Y a-tu du monde qui... Tout le monde dans le chat sont unanimes que c'est un très bon jeu. Ah, oh, non, c'est oui, clair. C'est personne chiale là-dessus. Non. J'aime les petits détails sur le mur aussi, où est-ce que, mettons, dans la maison de Link, ils mettent un Majora's Mask, ouais, sur le mur. Fait que quand tu merges sur le mur, tu peux te mettre vis-à-vis, puis c'est comme si t'avais le masque d'en face. Ils font ça un petit peu partout. Et à un moment donné, il y a une madame, une grosse madame qui te donne un bec, puis ça te donne un cœur. Ouais. Là, tu te merges sur le mur, puis il y a une trace de rouge à lèvres sur le mur. Fait que quand tu te mets vis-à-vis, ça te fait comme une bouche en rouge à lèvres, tu sais. Ça sert à rien, ça, là. Mais il y en a un petit peu partout dans les villages, puis c'est des petits clins d'œil, tu sais. Ça, c'est dans les détails de même que t'as un petit sourire en jouant, oui. Tu te dis, ah, nice, tu sais. Puis le vendeur Ravio, il est cool, man. Moi, ouais, je l'adore, tu sais, ce qu'il dit, tout ça, il est vraiment très bon. Ben d'ailleurs, la traduction est excellente, la traduction en français. Ah ouais, je l'ai pas essayé en français. Et c'est super bon, c'est vraiment bien écrit. Parce que c'est ça qui est drôle, moi, il est rentré en contact avec moi via Twitter, c'est un Québécois qui est à Seattle. Qui travaille là-dessus. Ouais, Nick Cooper. Mais il y a Nick Cooper, mais il y a un autre gars, okay, avec qui je correspond. Puis lui, il a fait aussi Paper Mario, puis tout ça. Puis c'est vraiment bien fait parce que quand c'est en français, il y a souvent les personnages qui parlent un peu à l'anglaise, un peu redneck. Ouais. Ben là, ils vont parler en québécois, en joual dans le jeu. Puis wow, ça, je trouve que c'est vraiment écœurant. Là, c'est clair. Genre, il est pas revenu, tu sais, ça va être écrit dans ton jeu. Ça, c'est cool. Le fun, ça. Ah, ouais, le fun c'est de le lire, cool, tu sais. Fait que non, Nintendo, c'est souvent ça aussi. C'est les petits détails. Ouais. Eux autres, on dirait qu'ils prennent le temps vraiment de s'accrocher à ces petits détails-là qui vont faire qu'on adore un jeu plus qu'un autre, même des années plus tard. Exact. T'sais, c'est ça ça va traverser le temps, ce jeu-là. Là. Totalement. Garochez-vous là-dessus immédiatement. Oui. Fait que toi, tu veux parler d'un jeu, un autre jeu Nintendo? Oui, je vais parler de Mario Party Island Tour. C'est quoi ça? Je sais même pas, je me suis même pas renseigné. Ouais. c'est quoi? Ben, il y a déjà eu d'autres Mario Party. C'est le dernier Mario Party. Hein. Ouais, c'est le dernier Mario Party. Ça serait Mario Party 10? Si on peut dire, mais c'est vraiment classe à part ceux-là qui sont sur console mobile. T'sais. C'est sur 3DS, ça? Oui, c'est sur 3DS, puis il y en a eu sur la DS, il y en a eu sur le Game Boy Advance, il y en a eu, t'sais, il y en a tout le temps eu des Mario Party DS. Non, je sais, mais il y en a aussi sur les consoles oui, de salon. Oui. Ce que je dis dans le fond, c'est que ceux-là sur les consoles de salon, c'est Mario Party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ouais. Puis sur les portables, ils ont d'autres. C'est tout le temps d'autres choses. Okay, genre, okay, Mario okay. Party, quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute présentement qui va dire que j'ai tort, mais de mémoire comme ça, c'est vraiment de même que je m'en souviens. C'est une très belle phrase, ça. De mémoire, c'est de même que je m'en souviens. Puis c'est ça, mais Mario Party. Bois ton gros verre, ouais, là, de comment ça s'appelle, les shooters de poussi. Ouais. Sour Puss. Ton verre complet de Sour Puss. Pour perdre la mémoire. Mais ouais, fait que... Non, mais c'est ça. Fait que c'est un Mario Party, mais c'est un Mario Party sur console portable, ce qui veut dire que t'es tout seul pour faire le party. Ben attends, c'est va triste. Dans le Miiverse, plug-toi ben, avec tes amis. Là, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je trouve ça triste parce qu'il est juste multijoueur local. Okay. Il n'est pas multijoueur online. Qu'on soit ensemble. Ouais, j'aurais aimé ça que ça soit en ligne. Parce cette, cette valeur pour toi, je ne l'achèterais pas ce jeu-là. Mais, mais j'aurais pu trouver d'autres mondes, tu sais, qui l'ont. Puis finalement, non, il n'y a, personne qui a pu jouer avec moi en mode local. Ce qui est bien, c'est qu'en mode local, tu as juste besoin d'une cartouche pour pouvoir y jouer. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est agréable. Ah, ben, je vais pouvoir jouer avec toi d'abord. Ben oui. Mais on va faire d'autres choses. C'est ça, je pense qu'on va faire d'autres choses. Parce que le jeu n'est pas terrible. Puis c'est pas qu'il est pas terrible à cause que les mini-jeux sont mauvais, parce que les mini-jeux, attention, c'est pas mal les meilleurs mini-jeux de Mario Party auxquels j'ai joué. Okay. C'est vraiment une bonne collection. Les jeux sont le fun parce que contrairement à ce qu'il y a eu auparavant, on joue pas, on joue moins sur la chance. On joue plus sur les skills. Si t'es un bon joueur, tu vas réussir. Fait qu'il y a beaucoup de jeux de plateforme dedans. Il y a beaucoup de jeux justement où tu pèses ton bouton au bon moment, puis c'est des affaires qui demandent quand même à avoir une certaine expérience de joueur. Tu sais, c'est pas ma tante Janine qui va réussir à Mario Party Island Tour. Surtout pas elle. Mais peut-être que Madame Janine est super bonne aussi, je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais Mario Party Island Tour, son plus gros problème, c'est les plateaux. Tu sais, il y a tout le temps des plateaux dans des boards, dans le fond, dans ce jeu-là. Les boards, moi, je m'étais dit, bon, ben, c'est un jeu solo. Fait qu'ils vont pouvoir nous permettre de skipper les autres joueurs qui sont contrôlés par l'ordinateur. Non. Il n'y a aucun moyen de jouer seul. Il faut que tu joues avec d'autres personnes. Puis si tu joues avec d'autres personnes contrôlées par l'ordinateur, il faut que tu checkes leur tour tout le temps. Fait que là, tu checkes là, comme « Waluigi's turn! » Fait que là, Waluigi avance de 3 cases. « Ah, oh, fuck, j'ai pogné un dé qui est méchant. Je retourne de 5 cases. » Là, c'est super long de même. Puis c'est pénible, là, parce que tu joues pendant 1h30. Christy, t'as joué 20 minutes. Ben non, c'est ça, c'est bien poche. Fait que c'est pénible, là, au maximum, là, c'est vraiment atroce. Fait que la seule affaire qui est bon dans ce jeu-là, c'est les mini-jeux, mais tu joues quasiment jamais aux mini-jeux, à moins de rentrer direct dans le mode mini-jeu seulement, puis faire tous les mini-jeux après l'autre. Mais ça, c'est... on stand vite de quelque chose du genre, parce que des mini-jeux, ça dure comme 20 secondes. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, sortir du menu, attendre le loading. D'ailleurs, oui, il y a un loading là-dedans. Fait que là, t'attends le loading, tu rentres dans l'autre mini-jeu. C'est vraiment long et laborieux. Ils ont ajouté un nouveau mode, par exemple, qui j'espère va se retrouver dans les prochains Mario Party. C'est la tour de Bowser. Fait que tu montes plein d'étages. Puis à tous les étages, t'as un nouveau mini-jeu, t'as un nouveau défi. Puis à tous les genre 5 étages, t'as un boss. Fait que t'as une bataille de boss dans Mario Party. Ah. Ce qui est super le fun. Puis c'est des bonnes batailles vraiment cool avec une bonne dynamique. Encore là, on utilise beaucoup les jeux de plateforme. Fait que le mix est vraiment intéressant. Fait que les mini-jeux, alright. Mais tout le reste, c'est de la vraie boîte. Fait que ouais, je l'avais critiqué à Monsieur Net. Puis je l'ai pas vraiment aimé. Fait que... Information complémentaire, c'est le 13e jeu de la série Mario Party. C'est le 3e sur console portable. Ouais, exact. Ah, ben, merci. Voilà. Bon. Ben, j'ai pas le temps de manger de chips. Parce que là, on va parler d'un jeu le fun. Pour se faire du bien. Bon. Je l'ai mentionné tantôt, on va parler de Gunstar Heroes. Quel jeu? Quel jeu incroyable. Ça, c'est un run and gun pour la Genesis. Oui. Puis run and gun, c'est Contra, là, tu sais, dans le fond, carrément. Tu cours, puis tu tires, c'est ça que tu fais. Puis c'est fait par Treasure, ça, mon ami. Puis nul besoin de rappeler, mais on va le rappeler quand même. On va le rappeler quand même. Que Treasure, c'est une compagnie incroyable. Je vais juste nommer, encore une fois, les jeux, une gang de jeux qu'ils ont fait. Je vais le nommer parce que je l'aime. McDonald's Treasure Land Adventure. Oui. Dont j'ai fait la critique avec vous. C'est très bon. Encore Genesis, Alien Soldier, Light Crusader, au Saturn, Guardian Heroes, le légendaire Beat'em Up, Mischief Maker au 64, c'était malade, Silhouette Mirage au Saturn et au PlayStation, Radiant Silver Gun, Bangai O, j'ai jamais joué à ça, Sin and Punishment. Hey, ben, c'est eux autres qui ont fait ça, Bangai O? Bangai O, ouais. Nice. Ah oui, mon gars. Ça, c'est de la bombe. Puis Sin and Punishment, le premier au 64, qui, je pense, est seulement disponible au Japon. Il est disponible sur la console virtuelle de la Wii. Oui, c'est vrai. Il doit dans être Odessa, il est très bon. Puis le deuxième, Successor, il me semble que c'était Star Successor. Star Successor, celui qui était apparu sur la Wii. Qui 2 piastres 9 au EB Games. Pourtant, c'est un jeu épique. Là. C'est tellement bon. C'est super bien fait. Les contrôles sont malades. C'est un des meilleurs jeux de Wii qui existent. Non, exact. Pognez-vous ça immédiatement. Ikaruga, Astro Boy, Omega Factor au Game Boy Advance. Wario... Ah, c'était le fun, ça. C'était bon en salle. Wario World et puis Gradius 5. ou PlayStation 2. C'est juste des bons jeux. La bombe, là. Ouais. C'est vraiment bien fait. Puis c'est ça, c'est comme Contra, carrément. Super rapide. Ouais. Soundtrack de fou. Tu peux choisir entre 4 niveaux différents. J'ai juste de finir de jouer. Oh, ouais. Non, mais je pense que c'est 4 niveaux différents. Tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Tu fais dans l'ordre que tu veux, ça change rien. Tu choisis la sorte de gun que tu veux au début. Ici, tu as deux slots dans le fond pour choisir ton gun. Tu as un choix de 3. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que si, mettons, tu prends un laser, puis après ça, tu pognes un gun qui est homing, taille chercheuse, comme on dit, ben là, ton laser devient homing. Fait que tu as des combinaisons d'armes comme ça qui sont vraiment hot. Ouais. Et aussi, fait intéressant pour un run and gun, tu as des grabs. Fait que quand t'as des ennemis qui s'approchent de toi, tu le pognes, puis tu le tires. Puis comme ça, c'est pratique. C'est pratique parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce jeu-là. Tu as aussi un dash, tu as un slide qui permet de buter le monde. Tu as aussi un wall jump. Ouais. Et puis tu peux aussi sauter puis peser par en bas, puis il fait comme un jump avec le ventre sorti comme Zangief là, pour écraser le monde en dessous. Donc il y a bien des tu sais, pour un run and gun, t'as bien des moves physiques que tu peux faire. Parce que la base, c'est Contra, mais en même temps c'est tellement plus versatile que Contra. Ils ont comme évolué la formule de Contra, t'sais. Exact. Ben, le sprite est plus gros aussi. C'est plus cartoony un peu. C'est vrai. Mais ce que j'aime moins, par exemple, c'est que tu peux pas... À Contra, les contrôles sont vraiment tight au niveau du tir, parce que tu peux locker des directions et tirer dans toutes les directions. Là-dedans, tu peux pas. Faut que tu choisisses entre les deux. Donc, soit que tu locks ou soit que tu locks pas. Puis si tu locks ton personnage, il y a un petit désavantage. En tout cas, Puis moi, de mémoire aussi, il y avait le saut qui me dérangeait, parce que quand tu sautes dans une direction, tu peux pas vraiment revenir tant que ça sur la direction à laquelle tu vas. Exact. C'est vraiment pénible dans le fameux tableau avec le train là, qui roule super méga vite, puis que tu perds toutes tes vies dedans. Ouais, ben ça, c'est un niveau intéressant, parce que t'es genre sur un petit plateau qui roule, là, puis tu peux passer du plafond au sol, ou à un moment donné, ça descend, ça va de gauche à droite. Fait que c'est un niveau intéressant pour ça. Mais effectivement... Puis le wall jump aussi, des fois, est problématique. Quand tu montes une pyramide, tu colles sur le mur sans vouloir, puis whoop, tu sautes de l'autre bord pour attaquer le vide, fait que tu tombes en bas. Ça, c'est vraiment chiant. J'ai pas aimé les morts sont frustrantes dans ce jeu. Ouais, exact. Ils pardonnent pas. Mais les boss sont hot, par exemple, parce qu'ils ont plusieurs formes. Même que le niveau 3, man, sérieux, là, c'est comme un boss de fin. Ouais. Il s'est changé 6 fois, là, je pense, j'étais sur le bord de la dépression. Puis là, j'allais que je recommence au moins quand c'est-tu le fameux boss avec les ronds, là, les boules, il y a comme des jambes en boule, puis il grandit, puis il descend, puis il grandit, puis il descend. Il y en a un avec, qui est fait de même, mais avec des carrés. Oui, exact. Ça, c'est au début. Non, lui, il est pas pire. Non, c'en est un qui il se transforme en plein d'affaires. Ça tourne de même. Des fois, il tourne de même. Des fois, il est comme une grosse araignée qui barre dans tous les sens. C'est comme un gros gun, ça tire. Oui, c'est un gun qui tire dessus. Après ça, c'est un chien qui court, puis après ça, c'est une base qui t'envoie des affaires. C'est écœurant, ce jeu-là. Mais c'est badass, mon gars! Puis là, tu paniques, là, tu sais. Puis t'es tout le temps stressé quand tu joues à ça, en plus, parce que... Mais faut absolument que tu joues à deux à ce jeu-là. Ben, c'est là qu'il prend vraiment tout son pouvoir. Là, c'est... Ben, j'ai beaucoup de plaisir à un, je te dirais. Puis quand on l'a essayé à Tremblant il y a 2 ans, à deux, mon compagnon, je sais pas c'était qui, là, on s'est vraiment pas rendu loin. Puis là, je suis rendu au dernier niveau, puis au boss de fin. Okay. J'ai pas réussi à le finir là, à temps pour le podcast. Là, je vais reprendre. Mais c'est ça. En tout cas, on va voir. Je vais réessayer là, en co-op bientôt. Mais encore une fois, on parlait de jeu de Genesis. Pareil comme Mickey. Oui. En 40 minutes, là, j'étais déjà pas mal à la fin. Là, il faut, là. Le temps de mourir un peu, puis de me pratiquer, surtout au boss qui se transforme 10 fois. Là, ça me plaît, ça. Oui. Parce que j'ai le goût de jouer présentement. Là, parce que c'est une expérience incroyable, une expérience stressante, mais dans le bon sens du terme. T'sais. Ben moi, je considère que Gunstar Heroes, là, c'est le Vanquish du rétro. Là. Exact, c'en est un, effectivement. Il t'envoie tellement de monde, c'est incroyable. C'est un cadeau que j'ai eu à ma fête, complet, vraiment clean. Je suis vraiment content. Okay. Un bel item de collection. Je le conseille à tout le monde. Il est disponible sur le eShop aussi. Puis je me demande s'il n'est pas aussi dans le PlayStation Store. Ça se peut qu'il soit. Parce qu'il y en a des jeux de Genesis Store. Là-dessus. PlayStation Network, selon le Wikipédia, donc j'imagine que oui. Totalement, voilà. XBLA aussi. Bon, ben il est partout. Il est partout, Colin. Même sur Mac OS 9, il y a GameTap. J'ai aucune idée c'est quoi, là. Man, C'est fou. Même sur mon Game & Watch que j'ai acheté. Fait que c'est partout, essayez-le. C'est un beau classique du Genesis. C'est carré, hein. C'est vraiment bon. Vraiment un bon jeu. Fait que moi, pour continuer ça, je vais parler... Oui, je voulais parler rapidement de Disney Infinity. Parce que moi, je joue à ça avec ma fille. Là, j'ai continué. Je vous en avais parlé à Retro Nouveau. Puis là, j'ai continué à jouer à ça. Avec les petites statuettes avec à la Skylander. Exactement. Puis j'ai bien du fun avec ça. Sauf que, une affaire que... Tu l'as bien... Veux-tu un refus? C'est quoi, t'en as trop ou c'est... Non, mais c'est la dernière, fait que t'en veux-tu? Oh ouais, vas-y. Camaraderie. Passe ton verre un peu. C'est bien visuel pour un podcast, c'est excellent. C'est beau, ça. Merci. Yes. Mais ouais, c'est ça, j'ai continué à jouer à ça avec ma fille, puis on a bien du fun. Une affaire, par exemple, qui m'écœure, c'est que c'est pas toutes les figurines qui sont disponibles dans leur niveau, genre dans leur monde. Quand tu achètes les nouvelles figurines, c'est souvent dans le Toy Box qu'on appelle. Puis le Toy Box, c'est vraiment c'est des niveaux genre aléatoires faits par Walt Disney que tu peux télécharger, mais qui sont quand même assez basic. Là, c'est pas vraiment une expérience très riche. Sauf que pour les enfants capotent là-dessus et c'est une machine à cash parce que tu veux tout le temps acheter des nouvelles figurines, tu sais. Moi, j'aimerais jouer avec mon fils, mais là, j'ai peur là, d'embarquer dans ces affaires-là. Ouais, ben, tu sais, en fait, c'est que ce qui est le fun, par contre, de Disney Infinity, c'est que les enfants ont quand même leurs préférences. Ils n'aiment pas tous les personnages. Fait que, tu sais, mettons comme ton gars, je peux facilement le voir, vouloir absolument le kit de Cars, tu sais. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est ça, mais une fois que tu as acheté le kit de Cars, c'est super intéressant. Mais si tu t'en vas dans la fameuse place des gagnants ou je sais pas trop quoi, tu vois toutes les statues des personnages que tu pourrais avoir. Pis ça, t'as envie des avoir. Ben, c'est ça. Fait que là, t'arrives devant une statue. Puis là, ton là, enfant tu vois est comme vidéo. Papa, je veux Pirates des Caraïbes. C'est comme non. Exactement hier, ça. Hier, je t'ai acheté une crème glacée. Oh. C'est la chicane. Va te coucher. Ouais, c'est ça. Va te coucher. Mais non, c'est ça. Mais c'est quand même c'est un bon jeu. J'ai encore du fun avec. Sauf que là, j'étais content de lire sur Internet que Disney compte faire des nouveaux Disney Infinity à toutes les années. Ils veulent que ça devienne une véritable usine à cash. Ils veulent que ça fonctionne. C'est ça. Sauf que, quand on lit ça, faut pas dire « Ah, ouais, un autre, j'ai acheté toutes ces figurines-là. » Toutes les figurines vont être rétro-compatibles. Okay. Fait que, dans le fond, le deuxième jeu, ça va juste être d'incorporer d'autres personnages et tout ça. Parce que, quand même, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que le contenu des jeux se retrouve pas dans les figurines, mais bien sur le disque. Ouais. Fait que Disney, c'est déjà tout ce qu'il y a sur ce disque-là, tu sais. Mais c'est ça, ils vont sortir un deuxième, un troisième, puis ils vont faire des nouveaux niveaux, puis du nouveau stock, puis ils vont probablement améliorer le Toy Box, puis tout ce qui va avec. Fait que, moi, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que là, je commence à avoir dépensé pas mal de cash. Y a-tu le niveau de la souris cuisinier, là, Ratatouille? Non, puis ça serait justement... Ça le prendrait. Moi, je l'aime, Ratatouille. Ben oui. Mais le public cible de ce jeu-là, c'est vraiment les enfants. Ben, c'est vraiment les enfants, sauf que j'ai vu beaucoup d'adultes quand même triper. Je regarde la liste des personnages, puis il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack dans la liste. Oui. C'est pas vieux au bout de ça. L'étrange Noël de Monsieur Jack attire un peu plus. Je savais même pas que c'était Disney qui était derrière ça. Oui. Ben ouais, un film de Tim Burton, là. Ouais. Ouais. Mais ça attire aussi, tu sais. Moi, j'ai un collègue au travail qui genre, il l'a vu, il l'a acheté tout de suite, là. Parce que justement, c'est... Un gars bien dark. Ouais, un gars bien dark. Il joue à Disney Infinity. Mais c'est ça, mais tu sais, ce personnage-là, tu l'achètes, là, tu te dis « Alright, je vais avoir le monde de Jack! » Non, pas du tout, t'as pas le monde de Jack. T'as Jack que tu peux utiliser dans le Toy Box. Okay. Fait que là, Jack est dans le Toy Box, puis sa particularité, c'est que tu peux mettre un Power Disc, qu'on appelle, que tu peux mettre sur ta base, puis il peut changer l'environnement avec des trucs de Nightmare Before Christmas. Fait que genre, t'as la lune et tout ça. Mais c'est juste le visuel. Le tableau reste aussi poche s'il était poche. Fait que... On dirait que tu me le vends pas très bien, non, ton jeu, Bruno. Non, mais c'est parce que... Je pense que tu vas acheter des Skylanders à la place. C'est comme un rapport amour-haine un peu, quand même. Mais moi tu sais, c'est passé ça l'affaire. J'aime ça, puis en même temps, j'haïs ça parce que... C'est comme la sodomie. Ouais. Exactement le même concept. Mais la meilleure fait, comparaison. Ouais, meilleure comparaison. C'est Infinity, sodomie. Même combat. Non, mais en fait, c'est parce qu'il faut comprendre les deux différences. Tu sais, t'as les univers des personnages que t'as quand t'as la fameuse porte transparente. Ouais. Comme, mettons, Pirates of the Caribbean, Cars, Toy Story, Lone Ranger. Planes. Personne l'achète. Mais c'est ça, ouais, personne veut Planes. On s'en sac de Planes. Mais c'est ça, fait que finalement, t'as ça qui est super cool parce que tu vas rentrer là-dessus, man, puis tu vas voir les. Tu vas voir, mettons, le tableau de Pirates of the Caribbean. Il est écœurant, il est épique avec des bateaux, puis tout. Ça a été fait pour cette licence-là. Ouais. Fait que toi, en tant que parent et. Pardon. Et gamer, tu trippes parce que t'es dans un vrai jeu. Quand tu rentres dans Toy Box, c'est vide, pis c'est toi qui le fais, le jeu. Quand t'as vraiment pas grand temps à perdre, ça te tente pas de perdre ton temps à essayer de faire un tableau. Fait que là, t'as deux choix. Soit laisser ton kid faire un tableau lui-même. Moi, ma fille, elle commence à triper là, avec le gamepad, elle pose des affaires dans le niveau, tout ça. Mais encore là, ma fille capote puis elle rage parce que tu peux pas mettre autant d'objets que tu le voudrais. Ouais. Après 30 objets, elle dit « Ah, t'as trop d'objets dans ta Toy Box, enlève-en! » Puis elle est comme « Ah, moi, je veux plus que 30 pouliches! » Fait que là, elle capote, fait que là, elle aime plus ça. Mais t'as le choix là de faire des niveaux ou bien de jouer aux niveaux que tu peux télécharger qui ont été approuvés par Disney. Mm-hmm. Ces niveaux-là sont intéressants, ben franchement. C'est du stock amusant. Sauf que ce qui est plate, c'est que ça reste encore une expérience comme pas terminée, pas finie, pas peaufinée, parce que c'est basé sur des niveaux qui existent déjà. Puis tu vois que ça a été comme amanché pour te donner d'autres objectifs, comme genre va rejoindre cette personne-là, va sauver cette personne-là. Ça donne l'impression un peu des secondary quests, là, tu sais, des quêtes secondaires dans un jeu. Ouais. Fait que, tu sais, en tant que parent, t'es comme, tu joues à ça, pis tu fais comme, me suis-tu fait fourrer, moi, là? Là, tu joues à ça, pis là, t'es comme, ton kid trip, pis là, toi, t'es comme, ah, moi, j'aimerais ça retourner dans le niveau de l'autre, pis t'essaies de faire embarquer ton kid, mais ton kid trip sur le Toy Box, pis aussi, dans le Toy Box, tu peux jouer avec deux personnages différents qui sont pas dans le même univers. Et dans les univers vraiment prédéfinis, comme entre autres le Pirates des Caraïbes et tout ça, tu peux juste jouer avec des figurines de cet univers-là. Fait que si je veux jouer à Incredibles avec Jack Sparrow, je peux pas. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est chiant aussi, puis j'espère que ça va être rectifié dans le deuxième. Mais malgré toutes ces affaires poches-là, il y a un beau petit bijou en dessous de ça quand même. Le jeu a une bonne âme, puis c'est le fun. Puis quand c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ouais, ouais. Mais quand c'est plate et long, c'est plate et long, puis ton kid va triper, mais toi, tu vas être comme... Ah, oh, les enfants. Fait que, ouais, oh, facilement les enfants. Impressionnable. Fait que c'est ça. Je le conseille quand même. Là. C'est un bon jeu, Disney Infinity. Puis Skylanders, tu dis que tu vas embarquer là-dedans. Non, Skylanders, mais... man, tu vas encore plus te ruiner parce que des figurines, il y en a une tonne. Ouais, je les empruntais à ma soeur. Oui. Puis Skylanders, l'affaire qui arrive, c'est que le jeu est vraiment le fun. Puis moi, je trippe autant Skylanders que mon bon enfant jeu, va tripper. Fait que je vais dépenser, man. Ça va être pire que les Pogs dans le temps. Ah, les Pogs. Les Pogs, man. Le bon vieux temps. Exact. Hey, je veux parler d'une application que j'ai. Un jeu que j'ai beaucoup joué sur mon téléphone. Mais beaucoup, là. Puis d'un coup, là, j'ai joué sans arrêt. Ridiculous Fishing. Oui. C'est très drôle. Dans le fond, t'es comme sur une barque. T'es un pêcheur, tu lances ta ligne à l'eau, puis là tu tiens ton téléphone, puis tu le tiltes à gauche puis à droite pour que ta ligne elle évite les poissons en descendant. Ouais. Quand elle est rendue au bout, ou si t'attrapes un poisson, ben là, elle remonte. Puis là, en remontant, là t'essayes de ramasser tous les poissons en remontant. Puis une fois que ta ligne est arrivée jusqu'en haut, ben là, foum, tous les poissons lèvent dans les airs, puis là t'es tire avec un gun. Puis that's it, c'est ça le L'idée jeu. L'idée est tellement écœurante. L'idée est très drôle. Puis, le nom est parfait pour ça. Ben oui, c'est ça. Personne ne peut le demander. Il est beau le jeu parce qu'il est pixel art au max. Puis ça, c'est les gens qui ont fait... C'est comme tout en triangle, genre. Super Crate Box. Oui. C'est les mêmes gens qui ont fait ça. Puis c'est ça, c'est hot. C'est tout en triangle puis en carré. C'est vraiment beau. Puis t'as un magasin là-dedans où est-ce que tu peux acheter plein d'affaires. Genre ta ligne peut être plus longue. T'achètes des nouveaux guns pour tirer les poissons en haut. Des toasters que t'accroches à ta ligne, genre pour que quand tu touches à un poisson, ben là le poisson il éclate puis tu peux continuer de descendre parce que le but c'est de te rendre le plus bas possible. T'as 4 niveaux, tu réussis à atteindre le fond dans les trois premiers niveaux, éventuellement, tu sais, à force de pêcher des poissons. Quand tu pêches des poissons, ça donne de l'argent. Ouais. Puis t'as le dernier niveau, c'est infini. Ouais. Ça n'a pas de fond. Puis là, t'as une encyclopédie de toutes les poissons que t'as pêchées. Puis moi, je les ai toutes, sauf les trois derniers. Puis t'as des descriptions à côté, puis c'est con, là, tu sais, ce qui écrit là-dedans, c'est très drôle. Mais là, ces trois poissons-là, j'ai l'impression qu'ils sont tellement creux, là, dans l'infini, là, tu sais. Puis j'essaye, man. Tu peux pas savoir comment j'essaye. Puis quand tu meurs, t'arrives à une place, puis c'est là que tu pètes, puis il faut que tu montes, ils te mettent une ligne, puis t'essayes de te rendre plus bas, tu sais, toujours, là. Mais fuck, mais j'ai jamais réussi à pogner ces trois espèces de gros poissons-là. Mais c'est un jeu qui te pousse sans arrêt à continuer à jouer. C'est ça qui est le fun. Y a-tu quoi, JF? Ben, ce jeu-là a gagné le Apple Design Award en 2013. Quand même. Il a été la sélection là, des meilleures applications était dans les meilleures de l'année là, parce c'est vraiment le fun, c'est vraiment super le fun. Puis les guns là, c'est cool aussi parce que 12, t'as une mitraillette. Moi je garde tout le temps un gun genre laser là, que tu peins sur l'écran, puis ça fait comme une grosse cible qui grossit, puis quand tu lâches l'écran, bang, tout ce qu'il y a dans cette cible là meurt, tu sais. Puis les poissons, ils sont vraiment le fun. Les niveaux différents aussi sont cool. Ouais. Puis il y a une petite histoire en arrière de ça, parce que dans le niveau de la glace, au fond de l'eau, au lieu d'avoir un poisson, quand t'arrives dans le fond, un poisson bizarre, c'est ton père qui est gelé dans un bloc de glace. Fait que là, quand tu le sors puis tu le pètes, tu sais, ben là, ça embarque une cinématique, genre en tant que ton pêcheur, ton père, tu l'as rattrapé. Puis là, dans le store, dans un chapeau, ben là, tu peux avoir le chapeau de ton père, tu sais. c'est vraiment ça. Fait que là, je reduis un bout parce que l'argent ne sert plus à rien. Parce que j'ai tout dans le magasin. D'ailleurs, j'aimerais qu'ils fassent un petit update pour peut-être acheter d'autres choses. Ça serait le fun. Fait que là, tu peux acheter un genre de chapeau haute forme. OK. Puis stacker ton argent dedans. Puis là, ton chapeau, il monte parce qu'il y a de l'argent. Hey, là, mon chapeau, il est tellement haut. Là, j'ai des tonnes d'argent. Mais tu sais, mon argent, ça ne fait plus à rien. Fait que là, j'ai arrêté, tu sais, parce que je suis juste plus capable de descendre plus creux dans les rues. C'est vraiment dur. Mais en tout cas, je le conseille à tout le monde. Moi, j'ai eu du fun avec ça en malade. Oui. Il y a une autre version de ça qui existe. Ça s'appelle Ninja Fishing, je pense, ou une affaire de même. Ah, je connaissais pas. Exactement le même concept, sauf que c'est très cartoony là, comme look. Puis au lieu de tirer les poissons, ben, tu slices avec ton doigt comme des coups de katana. Okay. Fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé cette version-là vraiment comme très inférieure. Là. Ouais. Quelqu'un dans le chat nous dit que le faux compte Twitter de Ridiculous Fishing est vraiment hilarant aussi. Fait qu'allez voir ça. Oui, dans le jeu, il y a un faux compte Twitter là-dedans. Effectivement, c'est très drôle. Non, c'est bien fait. Je le recommande à tout le monde. Sur l'Apple Store, je regarde, là, il est 2,99$. Est-ce qu'il y a une version gratuite ou il est tout le temps ce prix-là? Non, faut que tu le payes. 2,99$. Mais tu sais, là, ça vaut la peine. À un moment donné, les versions gratuites, c'est gratuit. Ben oui. T'as ce que t'as pour ta gratuité. Mais ça, moi je l'ai acheté, puis j'ai jamais regretté mon 3$. Nice. Là, j'ai joué à mort avec ça. Ah oui. Disponible autant sur iPhone que Android. Bon. Cool. Ben, voilà, man. Je savais pas qu'il était sur Android. C'est ce qu'ils disent dans le wiki. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, non, il est pas sur Android. C'est qui? Depuis le 19 novembre 2013, apparemment, il est disponible. Et voilà. Bon, ben, donc. Ah, ben, ça fait pas longtemps. D'abord, quelqu'un m'a dit avant ça, peut-être. J'avais posté là-dessus, c'était peut-être Frank de Tank. Ouais, ça se peut. En tout cas, ça vient de Wikipédia. Wikipédia peut pas mentir. Fait que la grande source. Moi, j'ai. Chibi Robo. Parle-moi de ça. Je comprends rien, man. Je regarde ça. C'est quoi cette affaire-là? Mais Chibi Robo. Dans Nintendo Direct, il l'a annoncé. Là. Ouais. Boy, je comprenais rien. Là. C'est un vieux jeu de GameCube. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le jeu de GameCube, t'étais comme un petit robot, puis t'étais dans un appartement au Japon, puis il fallait que tu ramasses. C'était pratiquement juste ça. Puis c'était intéressant quand même, c'était un beau petit environnement. Tu fais le ménage. Des cute. Tu faisais du ménage, puis tu avais des petites quêtes, des petits défis. Dans le nouveau, dans Photo Finder, il y en a eu d'autres aussi entre les deux, mais je me souviens plus lesquels, mais il y en a eu. Il me semble qu'il y en a même eu un au Game Boy Advance, quelque chose du genre. Okay. Mais dans Photo Finder, Chibi Robo est encore un personnage qui rencontre des personnages hyper weird. Puis là-dedans, t'as un personnage qui s'appelle le curateur, The Curator, qui serait dans le fond un bonhomme qui conserve des affaires. Puis il veut se partir un musée. Okay. Il veut se partir un musée, puis il a besoin de ton aide pour partir son musée. Mais son musée, c'est dans le fond, c'est un ramassis de cochonneries. Il veut que tu ramasses la rétro junk, qu'il appelle. OK. La nostal junk. Nostal junk, c'est ça, exactement. Nostal junk, merci. Puis c'est ça finalement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes en photo des objets qui se retrouvent en vrai. Pour ça, il va falloir que tu aies des pellicules pour mettre dans ton appareil qui ont une forme précise. Fait qu'admettons que je ramasse un rond, ben je vais aller photographier quelque chose qui est rond chez nous. Fait qu'admettons un ballon ou un espèce de macaron. Tu te promènes dans ta vraie maison avec ouais, ton appareil, chez vous, tu photographies des affaires. C'est ça. Okay. Tu te ramènes avec ta 3DS ou ta 2DS. Ouais. Puis tu vas photographier quelque chose qui a cette forme-là. Puis après ça, ça va analyser cette forme-là pour savoir si tu l'as bien photographiée. Puis tu as une coupe d'essais pour que ça fonctionne. Le trouble, c'est que ça fonctionne mal en tabac. Ah ouais. Fait que quand il t'a demandé un long cylindre, style phallocentrique. Exact. Ça marchait pas par la tête. Ça marchait jamais. Je voulais rien savoir. D'ailleurs, c'est vrai, il a été censuré le jeu parce qu'il y avait une paire de fesses. Ouais, il y avait une paire de fesses puis ça a été enlevé complètement. Ah, mais brûlez-moi ça, ce jeu-là. Ben, c'est un jeu digital, tu pourras pas le brûler. Ouais, c'est ça. Ben, brûle mais ouais, c'est brûle ça. Brûle-toi les yeux, tu vas avoir la paix. Mais non, c'est ça, fait que cette partie-là fonctionne pas super bien. Puis, pour ce qui est du reste, là-dedans, tu as des défis à faire. Tu vas te ramasser sur un ordinateur parce que ton bonhomme, Chibi, il est juste 4 pouces de haut. Ouais. Fait qu'il est tout petit. Puis lui, il se promène avec un cellulaire. Puis le cellulaire va lui dire « Ah, tu devrais peut-être faire telle ou telle affaire puis aider le conservateur à monter son musée. » Puis il te dirige un peu. Puis toi, tu vas aller dans l'ordinateur puis tu vas aller trouver des job-ins. Tu vas explorer, tu vas acheter des nouvelles pellicules pour faire d'autres photos, pour avoir d'autres objets. Puis c'est ça, le but ultime, dans le fond, c'est de remplir le musée. C'est que le musée soit populaire puis que tout le monde soit bien content. Puis tu peux aussi aller faire des épreuves qui sont vraiment plates. Ben, ça a l'air plate ton jeu, man. Mais c'est plate en tabarouette. Depuis tantôt. J'ai zéro envie de me promener dans ma maison puis de photographier des pommes. Ben, le pire dans tout ça, c'est que tu fais du ménage aussi. Tu fais du ménage à l'intérieur du jeu. Ouais. Tu vas sortir ton aspirateur puis tu vas faire le ménage. Puis tu vas ramasser des affaires, tu vas ramasser des cochonneries, tu vas les mettre dans ton casque, puis après ça, tu vas aller mettre ça dans un truc à compost, tu sais. Puis. Ils sont mieux d'être en train de travailler sur un autre Metroid en attendant, parce que je tolérerais pas qu'il y ait des jeux de même qui sortent pendant qu'il n'y a pas d'autres Metroid qui est en train de se faire. Mais il était tout excité à la sortie de Chibi Robot, tu sais. Puis, veux-tu savoir le pire là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui était vraiment fatigant dans le jeu original, ouais. Qu'ils ont gardé pour le nouveau, qui est vraiment fatigant. Chibi Robot, si tu le regardes, il court, puis il y a tout le temps sa plug pas trop loin. C'est parce qu'il faut qu'il se plug dans le mur à toutes les quelques secondes parce que sinon, il crève puis il perd toute sa progression. C'est fait que là, oh ouais, c'est vraiment c'est le Dark Soul de la Q-tree, là, ce jeu-là. C'est même vraiment pas intense. Cute, en plus, ils veulent... ça lettre, ce jeu-là. Ouais. Ben, moi non plus, j'ai pas trop aimé le look. L'original, il y avait un look un petit peu cartoony qui était vraiment le fun au personnage. Puis ils ont tout enlevé ça, ils ont essayé de faire de quoi d'un peu plus réaliste. Des fois, c'est très beau. Par contre, sur la 3DS, tu te dis comment, quand même, il y a des beaux effets visuels pour la 3DS. Mais ce jeu-là, le problème, c'est ça, c'est qu'à la base, il est vraiment pas le fun. Puis aussi, il est vraiment... c'est drôle parce que je pense que la première fois, Monsieur Net, que tu sais, je fais une critique, puis à la fin, je dis, mais en tout et partout, finalement, il est juste, c'est plate. c'est vraiment plate, ce jeu-là. Puis, tu sais, il y a des affaires intéressantes à donner, tu sais, comme l'affaire des photos, je trouve ça cool, tu sais, que tu puisses photographier des affaires puis les avoir dans ton jeu. Mais c'est super compliqué, tu t'es en maudit après ta 3DS tout le temps parce que ça marche pas. Ouais. Puis, en plus de ça, les quêtes, les défis sont plates, tu sais, comme exact. Tire des bulles dans les airs, ok, je tire des bulles dans les airs, là, après ça... Hey, v'là un tape à mesurer, man. Tu sais, c'est le tape à mesurer, puis je mettrai pas les chiffres dessus. Puis là, essaye de deviner quand est-ce que ça va faire 8 pouces. Là, tu devines quand est-ce que ça fait 8 pouces. C'est comme, ah, tu l'as pas eu. T'as mis 10 pouces. Fail. OK. Là, fail. Là, tu sors de ton défi. Là, ton petit bonhomme. Plus de batterie. Fait que là, ton bonhomme a plus de batterie. Là, t'es en tabarnak parce que t'avais gagné des points pis tout, pis là, ben, t'es a plus. Fait que là, faut tout que tu recommences. Pis ça, c'est si t'as sauvé, mais là, t'as peut-être pas sauvé non plus. Fait que, y a plein d'irritants. Fait qu'à la place de jouer à ça, allez donc jouer à Zelda, calme. Ça a l'air plate, puis je regarde le site officiel sur le site de Nintendo, puis j'ai goûté de le feu au laptop, là, tellement que ça a l'air plate. Ouais, même le site, ça fait. Ça a l'air plate. Mais pourtant, moi, quand. Le curateur, il a un petit béret de français avec une moustache blanche. Il est pas là, très beau. Il a pas l'air très beau, non, effectivement. L'affaire qui est la plus géniale dans ce jeu-là, c'est le script. Les gags sont vraiment drôles, puis les personnages sont drôles. Entre autres, j'ai vraiment trippé sur Monsieur Ketchup et Monsieur Moutarde, qui sont deux c'est deux cuisiniers hyper excentriques qui se font des câlins sans arrêt. Oh. Ils sont écœurants. Pis comme Rétro Nouveau, dans le fond. Comme Rétro Nouveau, même affaire. Sauf que à la fin. Semi-gay. Quand ils semi. Puis quand ils finissent par faire leur bouffe, à la fin, quand tu vois tes points puis tout, ouais. Ils se penchent, puis ils jutent dans la casserole sans arrêt. Fait que c'est comme des ça scrape tout le temps les recettes, finalement. Ouais, exact. Fait que, tu sais, parental advisory, c'est comme des com-shots de ketchup pis de moutarde. Sacrément. Fait que, non, c'est un jeu qui est extrêmement louche. Ouais, c'est ça, c'est louche. Mais ça coûte 10$. 10$, c'est pas genre, $10. Depuis le 9 janvier 2014, c'est sorti sur le eShop. Ouais. Je veux jamais ça. Achetez pas ça. Mais ce que tu veux acheter, par exemple, je vais te le dire, savais-tu qu'il y a eu un update à Slay-In? Hein? Puis il y a 3 nouveaux personnages qui sont disponibles. Oh, ouais. Ouais, man. Là, je les ai ici. Faut-tu que tu payes? T'as le. Ben, ouais, ils sont chers. Là, moi, je joue beaucoup. Là, j'ai 1338 dollars. Là, ici, t'as l'archer. Il est 12 000. T'as le Tamer. Ok, c'est important de dire que là, c'est pas des microtransactions. C'est vraiment. C'est de l'argent du jeu. C'est pas de l'argent. De la vraie argent. Là. Exact. C'est okay. De l'argent que tu peux ramasser en jouant. Ah, ok. Mais disons que faut que tu joues. Ouais, faut que beaucoup. Tu joues en ça. Mais là, faut dire que j'ai dépensé mon argent comme un colon en pierre tombale. Puis en cochonnerie. Parce que j'avais rien d'autre à acheter dans ce jeu-là. Mais là, soudainement, bang, ces personnages-là viennent d'apparaître. Puis il y a une ninja aussi. Wow. Fait que là, j'ai aucune idée, man, de comment. Qu'est-ce qu'ils font. Ah, ça, que là, ninja, j'ai pas acheté aucune pierre tombale, moi. Puis encore sur mon téléphone. Oui, ben écoute, moi je suis excité comme une tellement. Puce. Là, j'ai envie d'aller ici là, puis de dépasser 5,99 pour un king size forfait puis avoir 50 000 points de fame. Hey, vas-y, man, garde-toi. Genre, acheter les 3 personnages d'une traite. Ben là, c'est quand même 6$. Là. Mais tu sais, là, il gosse, man, parce qu'à 3$, tu pourrais en avoir 20 000, puis là, je pourrais m'acheter la ninja, puis puis là, finalement, t'essayes le ninja, c'est de la merde. Comme... Oh, c'est 3$. Là, ce que je vais faire, je vais jouer une game normale. Je vais voir à quel point je peux ramasser de l'argent rapidement. Ben oui. Puis là, je vais checker. Là, parce que bon, c'est sûr, là, ça serait quand même 6$ pour avoir les 3 personnages. Mais... Ben oui. En tout cas, mais ça me tente vraiment de les essayer. Parce que moi, c'est les Yen, j'adore ça. Ben, excuse, même si je l'ai déjà fini. D'ailleurs, j'ai envoyé des photos. Preuve à l'appui, j'ai pris le dragon à la fin. Puis quand tu finis le jeu, après ça, ils te mettent dans le mode... Advance, ou est-ce que c'est juste du monde dans le fond qui te rentre dedans tout le temps jusqu'à ce que tu meurs? Exact. Fait que c'est ça. Mais je l'ai fini, puis fuck, j'aime ça. Man. C'est vraiment. C'est cœurant, ce jeu. C'est cœurant, ce jeu-là. Fait que, en tout cas, d'ici le prochain, je vais sûrement avoir acheté au moins un personnage. J'en reparle. Mais oui. Mais là, parlant de preuves, on veut avoir ton 20 de 6 secondes de ton Arville dans Starfy, Legendary Starfy. J'ai pas fait mon 20 de Starfy. Fuck! Faudrait que je le passe. D'ici le prochain épisode, ça le prendrait absolument. Ouais, j'avoue. C'est important. Fait qu'on a fait le tour. Ouais. Fait qu'on serait rendu à la question, quel jeu on vous a fait acheter pour closer pour... Deuxième batch de commentaires. Guillaume Bisson qui dit Jackal ou NES. Ah, écoute. Ah, ben pas oui. Pas cher, pratique. Étienne Cormier qui dit Castlevania Symphony of the Night sur PSN. Oui. On salue un autre trooper du Funzo. Oui. Yannick Bourdon qui dit Castlevania aussi sur XBLA. Cave Story sur 3DS. Ah oui, je l'avais pas vu ça. Yes. Nice. Très bon. Francis Guimond qui dit Aliens Infestation au DS, Max Payne 3, Darksiders 2 et Batman Arkham Origin. Et puis il s'achète une Wii U aussi à cause de nous autres. Fantastique. Oh, encore une Wii U vendue. Oui. Francis Gingras qui dit il s'achète une 3DS puis, et Super Mario 3D Land. Ah, oh. C'est bon ça. Il a également découvert et acheté Shantae Risky's Revenge et Mario vs Donkey Kong Mini March Again sur le DSiWare. Ah, ça l'avait bien vendu, ça. Ah ouais, j'ai adoré. C'est une série que j'aime beaucoup. À part le dernier, je joue un peu moins, je t'avoue. Ouais, hein, c'est moi aussi, je l'ai lâché. Ouais, il y a de quoi là-dedans, en tout cas. Charles-Étienne Gervais qui nous dit Tomb Raider, Double Dragon Neon et Vanquish. Hey, mais quand même, un autre Double Dragon Neon. On a fait vendre plein de ça. Mais il y a du monde qui aime pas ça aussi. Hein? C'est un jeu qu'il faut. C'est vrai. Tu lui donnes une go un peu. Là. C'est pas tout de suite. Là. Tu te fais buter au début. Tu te rends au boss de la fin. C'est le meilleur bout du jeu. C'est ça. Mathieu Gélina qui me dit Binary Domain, Sleeping Dogs, Darksiders 2 et une PS Vita. Bon. Wow! Pierre-Luc du podcast 3 bières qui a acheté des jeux sur iOS, Slay-In, One Bit Ninja et Slingshot Truc, qui se souvient pas du nom. Là. Une affaire de char qui dit. Ah oui! Là, les commentaires qui s'en viennent sur Twitter, il y a du monde qui savent pas trop c'est quoi les jeux qu'ils ont acheté, fait que c'est très drôle. Mathieu Lamar qui nous dit Vanquish. Vanquish! Voilà. Hey, on a vendu des Vanquish. Les bins de jeux pas chers au Walmart, c'est vide, man. Luc Moreau qui dit qu'il a acheté une Vita à cause de Bruno Georget et qu'il a vendu ses rétros à Papa Cassette. Exact. Right. Ben des affaires à Luc. Là, on a comme une énigme de Kevin Parent. Un jeu sur la 3DS style rétro Bionic Commando style. En réalité, c'est un jeu nouveau, mais on fait style rétro puis le nom y échappe. Fait que je sais pas si ça dit quoi à quelqu'un. Et boy! Là, ça dépend. Faut-tu un crochet pour s'accrocher? J'imagine, c'est pas mal la particularité de Bionic Commando. Mais j'ai pas de jeu en tête qui nécessite non plus. Un grappin ou du balancement ou de la projection dans les airs. On t'invite à nous envoyer des clarifications sur ton jeu, on le trouve pas. Ouais. Daniel Marcil qui dit Carnov, qui se souvient d'un épisode qui l'avait marqué. C'est un bon vieux Carnov, encore une fois. Oui. Max Tremblay de l'épée légendaire qui a racheté Tomb Raider à cause de Bruno puis qui a pas regretté une seconde. Yes. Claude Rodriguez qui dit une Vita. Sony Guinette qui dit qu'il a vu un Sega Genesis avec TMNT Hyperstone dans une vente de garage puis qu'il l'a acheté en pensant à nous. Puis je pense qu'il a parlé d'homme. J'ai parlé sur Twitter. Sur la valeur. Il a 20$, man. C'est vraiment un bon deal. Juste la cassette elle-même vaut plus que ça. Fait que il était en business. Excellent avec... prix. Il y avait Echo aussi avec ça puis Sonic, je pense. Fait que il y avait une bonne base plus TMNT. Très bon jeu. Si bol. Simon Dubois qui dit Jackal, Journey to Silius, Shantae et Plants vs. Zombies. Oui. Ah ouais. Journey to Silius, man. Je le recommande encore aux gens. Un excellent jeu de NES. Ouais. Fred Dionne qui nous dit sur la Wii U, Mario Chat, comme on dit. Ouais, ouais. Mario Chat. Puis un autre PS Vita de vendu à cause de Bruno. Wow. Ah, wow. Damien Boudreau qui nous dit Slayin. Yes. Matt April sur Twitter qui dit Vanquish. Vanquish. Et puis quelqu'un qui nous dit Earn to Die, Slay-In et l'excellent Mutant Mod sur 3DS. Ah, voilà, voilà. Juste un Mutant Mod, man, moi qui fais tellement de push. Moi aussi, je l'ai acheté Mutant Mod à cause de toi. Là, il y a des deals sur Mutant Mod présentement, là, sur la Wii U et tout ça, ça vaut vraiment la peine. Ben oui. On n'a pas fait vendre beaucoup de 3DS, hein. Je pense que je fais mal ma job. Non, attendez, par exemple, là, dans le chat, présentement live, il y a plein de monde depuis le début du podcast qui ont dit bon, là, faut que je m'achète une 3DS à cause de vous autres sur les jeux qu'on a parlé. C'est ça, j'avoue. Ça fait vendre encore présentement là. Bon, non, il y en a de la 3DS quand même, là, puis on en parle pas mal, c'est juste que Steam World Dig est un jeu qu'on a encensé, Mutant Mods, Shantae, tous ces jeux là dans le fond, puis en sort, puis c'est une bonne excellente console là. Il y a Nick Chalufou dit que vous faites rouler l'économie, les deux. Là. Ouais, hein? C'est clair. On fait dépenser les gens aussi. D'ailleurs, Nick m'a dit qu'il allait s'acheter Kickmaster prochainement, vu que j'en avais parlé sur le Facebook de Rétro Nouveau. Oui. C'est un bon jeu de NES de Taito que je recommande. Il fait penser un peu à Castlevania, mais plus rapide avec la magie et tout ça. En tout cas, le soundtrack de fou. Je vais m'y remettre cette année, je pense. Oui. Ce jeu-là, j'y ai joué il y a 2 ans. Puis je l'ai pas fini, mais j'étais rendu loin. Puis je sais pas. C'est la rare. Pochette, la signature était cœur. Ah, faut que je le refasse. Ça. Puis on veut rappeler aussi de nous donner des titres de jeux NES pour que Patrice fasse un remix pour mettre à la fin du dernier épisode. Il y a eu des suggestions dans le chat. J'ai dit qu'on allait partir un topic sur Facebook pour écrire les commentaires en dessous de ça, là, où on va trouver une façon de pouvoir les noter plus facilement que dans le chat. Là. C'est bon. On y va en musique avec Gunstar Heroes, la musique du niveau 2. We'll be right back. parler rapidement de Nintendo. Ouais. Les affaires bougent. Les affaires bougent. Beaucoup d'encre virtuelle a coulé oui. Sur le Nintendo allait faire des jeux mobiles. Ouais. Puis bon, sur la page Facebook de Retro Nouveau aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Toi puis moi, je pense qu'on est quand même assez d'accord. Ouais. Qu'on croit que Nintendo serait capable de faire des très bons jeux mobiles ben oui. S'ils ne portent pas leurs jeux directement. Exactement. Mais qu'ils font plutôt des jeux, moi je trouve, à la mini, ouais. Comme Minnie's March Again, tout ça. Ouais. Tous les jeux de stylet et de DS, tout ça. Tu le fais à point, au bout de ton doigt, puis ça marche parfaitement. Ben même oui. Affaire. Nintendo serait pas assez cave pour genre porter une affaire pour porter une affaire. Exactement. Ils sont bons, ils savent comment construire des jeux, ils adapteraient le jeu parfaitement à la nouvelle plateforme, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je serais pas inquiet, là. Moi, je serais pas inquiet, surtout que Nintendo, si on se rappelle, ça a été les premiers à intégrer le touch dans leurs jeux vidéo. Ben oui. Avec la DS. Fait que, tu sais... Avec le Power Glove. Ouais, avec le Power Glove. La touch virtuelle. Il y avait la touch. Mais tu sais, c'est moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport aux capacités de Nintendo de faire des bons jeux sur n'importe quel type de console. Non, mais non. Leur plus gros problème à Nintendo, c'est un problème de marketing. C'est un problème de... C'est un problème de perception par rapport à la perception des gens par rapport à Nintendo. Le monde ne savent même pas encore c'est quoi une Wii U. C'est compliqué une Wii U. C'est compliqué une Wii U aussi, tu sais. Ah non, ça a été mal vendu, ça, ouais. Ça a été mal pensé. Ben, je veux dire, la console n'est pas mal pensée, non. Mais c'est ambigu pour tout le monde. Ça a le même nom, ouais. Ça utilise les mêmes les contrôles, mêmes les mêmes manettes qu'une Wii. Le monde arrive au magasin et ils comprennent pas qu'est-ce qui se non. passe. C'est quoi cette grosse manette avec un écran là? Ce qui est très cool, ouais. Mais en même temps, pour le commun des mortels, disons, ouais. Là, qui connaît rien aux jeux vidéo, ben, c'est pas si évident que ça. Là, non, il y avait même un fan qui m'avait donné un bon point aussi. Il m'avait dit ce que je trouve dommage avec la Wii U, c'est que j'ai pas le même feeling de nouveauté puis de révolution que j'ai avec la PS4 et la Xbox One. Puis je comprends un peu à cause que tu pars pas dans un écosystème nouveau au complet, tu sais. T'as ouais. encore l'impression d'être dans l'autre génération, mais d'avoir un petit plus, tu sais. Puis ça, je peux comprendre ça. En même temps, ils ont tellement fait une révolution avec la Wii. Ah oui, totalement. Ils n'auraient pas pu comme révolutionner encore, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est peut-être là aussi le plus gros problème de Nintendo. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau vouloir révolutionner la patente puis changer la façon dont les gens jouent. Mm-hmm. Mais à un moment donné, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Tu sais, je veux dire, c'est du monde qui sont super bons pour faire des très bons jeux. Puis jusqu'à maintenant, je veux dire, toutes les consoles qui sont sorties de Nintendo avant la Wii, ouais. Ils faisaient une chose, puis ils faisaient une chose très bien. C'était des jeux fiables, avec des contrôles fiables, puis il n'y avait pas de gimmick, rien. Là. Mm-hmm. Les manettes étaient quand même assez simples, puis les jeux, c'était des super bons jeux. Puis depuis qu'ils ont embarqué cette nouvelle façon-là de jouer, puis qu'ils ont embarqué cette nouvelle chose-là, j'ai l'impression que là, c'est ça, là, c'est qu'à un moment donné, les gens ont trippé sur le motion, puis tout. Puis là, on dirait que le monde a arrêté de triper là-dessus. Puis je pense que le motion, trip il aurait passé, pu le laisser là. Faire, tu sais, mais ouais. ils sont pas capables tout de suite de le laisser tomber parce qu'ils ont tellement non. vendu avec ça. Mais au lieu de faire une Wii U, si, mettons, il avait fait la Nintendo Rocket, ouais. puis ça aurait été. Ça vient avec deux gamepads. Ouais. Fuck, là, plus de motion. Maintenant, ouais. la nouvelle gamique, c'est que tu as un gamepad puis que tu as un deuxième écran que tu peux ben utiliser oui. pour shooter des shurikens, pour avoir autre chose, pour ouais. scanner, whatever. Puis ça aurait pas été Wii U, là, ça aurait été non. Rocket, tu sais. Là, ouais. l'emballage aurait été fucking rouge vif, tu sais. Ouais. Là, le monde aurait moins été mélangé, peut-être, là, ben oui. si ça avait été carrément autre chose. Mais je pense qu'ils ont gardé un petit feeling de « Ah, yeah, tu sais, ouais. on peut pas laisser tomber le motion de même, les gars, tu sais, on a tellement ouais, c'est ça. Fait, on a tellement vendu. » Mais bon... Puis je me souviens, dès qu'ils ont dit le nom, le monde était comme « Ah, Wii U! » Puis on comprenait pas trop c'était quoi. Mais je comprends puis... le thinking en arrière du nom, oui. tu sais, puis c'est bien logique, puis c'est bien correct, puis c'est bien oui. joli, mais ça fonctionne pas, tu sais. Ben non. Il aurait dû voir ça aller, tu sais. C'est ça, parce que même moi, tu sais, en tant que gros fan de Nintendo qui veut en convertir d'autres, qui n'achètent pas rien de Nintendo, ils font comme... Fuck Nintendo, j'ai ma 360, tu sais. Ouais. J'essaye de leur expliquer c'est quoi. Puis ils sont vraiment comme. Oh ouais, un peu comme vous autres avec Chibi-Robo tantôt, tu sais. Ils sont comme. Ben, tu sais. Exact. Ils restent sur leur faim un peu, tu sais. Puis quand tu lui dis que c'est les mêmes manettes, puis que, tu sais, non, c'est pas à coche de la PS4 et la 360, mais c'est quand même super beau. Mais c'est bien moins cher. Nintendo n'a pas besoin de ça, du graphisme aussi réaliste pour leurs jeux. Puis nanana, puis tu sais. Puis non, il n'y a pas de lecteur DVD, il n'y a rien là-dedans. C'est juste une console de jeu. Puis ils sont comme, ouais, mais elle fait quoi cette console-là, Chris? Moi, je l'achèterais. Fait que là, tu sais, c'est. Puis le dernier argument reste toujours, ben, tu pourras jamais jouer à Mario sur une autre console. Exact. Puis. Présentement, c'est ça Nintendo. Puis là, c'est le fun parce qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté de se dire, ben, ah, là, c'est mes jeux, c'est mes affaires, tirer ça à couverte tout le temps. Là, c'est le fun parce qu'ils ont justement dit, les mobiles, c'est une avenue. Ils ont aussi dit que là, ils considéraient acheter, faire l'acquisition de d'autres studios. Ouais. Ce qui augmenterait la production là-bas. Parce que c'est une petite équipe Nintendo quand même. C'est pas pour rien que les jeux, ça prend du temps avant que ça sorte. C'est que c'est fermé. Puis c'est sûr que ça leur laisse le compte. C'est hey, drôle on ça. On t'en lâche solidement. Je suis encore sur les chips du dessus. Là. Mais c'est ça. C'est certain que Nintendo, ça leur donne un contrôle complet. Puis ça fait que ça fait des vraiment bons jeux. Mais imagine. C'est si... des control freaks. Nintendo. Ouais, c'est des control freaks. Et ça, depuis la NES, tu sais. Ça a tout le temps été de même, puis c'est ça qui fait un peu leur force, mais leur faiblesse aussi. Exact, ils ont peur de prendre des risques tout le temps, puis ça les nuit. Mais là, c'est le fun parce qu'ils sont comme poussés. Ils sont sur le bord du mur là, présentement, ouais. Là, avec un couteau sur la gorge, puis là, faut qu'ils réagissent, puis ça les force à réagir à ce qui se passe présentement. Puis justement, parce que là, il y a eu des très mauvaises ventes. Même ouais. Qu'il y a eu la Wii U, ils l'ont vraiment dit en toutes lettres que c'est un échec. Ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Mais ça veut pas dire, quand je dis ça, ils ont dit c'est un échec. Ça veut pas dire, ils ont dit c'est un échec. Fait qu'à partir de demain matin, tout le monde, il n'y a plus de jeu pour la Wii U, bye! C'est pas ça. Ça veut juste dire, c'est un échec. Faut qu'on trouve comment qu'on fait pour ramener ça là, au top, cette console-là, tu sais. Puis il y a des moyens de le faire, puis c'est pas pire parce que là, ils vont commencer à le faire. Ils vont commencer à porter des jeux de la Wii sur la Wii U pour justement remplir le trou. Remplissez-moi ça, tout ça. Là, mais c'est ça, ils se sont aperçus. C'est ça qui est quand même un peu... C'est un peu idiot, pareil. Ça t'a pris parce combien que... de temps avant d'allumer? Ben, t'sais? C'est ça. C'est que là, présentement... On est tous fâchés contre Nintendo parce qu'on a l'impression chier. Qu'il allume pas. Non! Pourquoi vous saisissez pas le message? Eh oui. Il est partout sur Internet, tout le monde. Puis aussi là, faites ça. Eh oui. Ils ne le font pas, même. Mais même ils là, font... ils réalisent pas. T'sais, ils viennent de réaliser, genre, ils écrivent dans un article, on vient juste de découvrir c'est quoi la technologie de la Wii U, puis comment ça serait possible peut-être de porter des jeux de Wii, de 3DS, de GameCube. What the fuck? T'as pas pensé comment à ça au départ? Tu l'as pas fait au départ, tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, tu te dis, tu peux pas t'empêcher aussi en tant que consommateur de faire comme, ben, hey, je me suis fait fourrer en achetant ça, moi, puis de sentir que, oui, Nintendo fait des bons coups, mais tu peux pas padder tous les bons coups puis juste dire, mais c'est ça va être cool, c'est Nintendo, ça va être cool. Ça... Non, des fois, c'est pas cool. Non, c'est ça. Ça marche pas. Comme quand, là, ils ont fait l'annonce, justement, qu'on allait pouvoir enfin jouer à des jeux de DS sur notre Wii U. Ouais. Calique, man. Tu sais, c'est sûr que... Puis j'en parlais avec du monde sur Internet. Il y a du monde qui me disait, ben, moi, je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée puis que c'est cool. Ouais, c'est une bonne idée puis c'est cool. Mais pendant que c'est disponible sur la Wii U, c'est même pas disponible sur la 3DS. Essaye d'expliquer ça, à quel point c'est absurde que tu te dis... Il y a tellement une collection de jeux incroyables sur la DS. Là, c'est, eux autres, là, ils ont une collection de jeux. Christy, ils clenchent toutes les compagnies d'une shot là, ouais. S'ils sortent ça demain matin. Non. Sur la 3DS, là, man, je dépenserais une fortune. Ben, il n'y a rien sur la 3DS. Pauvre. Il n'y a rien. Puis le maudit eShop, il est tellement mal fait, tabarnouche. Ouais. Tu cherches de quoi acheter. Là, tu te dis, ah, OK, c'est ça les nouveautés? Non, ah, non, non, c'est pas les nouveautés. Mais tu sais que Netflix est fait de même, pareil. Ouais, Netflix, c'est ça de la merde aussi. Ça me fait chier, mon gars, là, les mêmes affaires se répètent partout. Ouais. Mais c'est la 3DS, il n'y a pas de jeu de Super NES. Non. Il n'y a pas de jeu de... Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Puis il n'y a pas de jeu de Game Boy Advance, puis pourtant les ambassadeurs ont réussi à en avoir. Ah, c'est ça. Explique moi, j'en ai. Ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué, tu sais? Ben, pourquoi ils ne vendent pas les jeux qu'ils ont donnés aux ambassadeurs? Ah, c'est ça, je sais pas. Je le veux, moi, mettre Il y a peut-être de quoi technique en en arrière de ça, tu sais, que je sais pas quoi. Là, justement, là, même ça. Mais mettez un team là-dessus, tu sais, c'est pas engager des techniciens hein, qui règlent ça. Puis mais c'est ça. Je sais pas. Fait que là, c'est cool, ils disent qu'ils vont, ils vont engager à l'externe, ils vont faire l'acquisition du studio, ils vont trouver les technologies pour faire ça, puis sont en train de figurer toutes ces affaires-là. Fait il faut que tout soit plugué ensemble, tu sais. Oui. Il faut que ma 3DS soit avec ma Wii U, tu sais. Exact. Si je télécharge un jeu DS dans ma Wii U, faut qu'elle soit disponible dans ma 3DS aussi. Oui. Je sais pas, hein, il me semble que... Faut que tout soit centralisé. C'est ce que les deux autres compagnies tentent de faire. Exact, t'sais. Exact. Puis, là, tu sais, Microsoft, tout le monde avait l'impression que c'était pas ça qui se passait. Puis Microsoft a un nouveau président qui vient d'être nommé. Je me souviens plus de son nom. Puis c'est ça. Puis lui, il a dit justement, il a parlé dans son mémo à compagnie que là, il allait pousser la technologie One, qui est dans le fond de centraliser toutes les plateformes de Microsoft. Sony fait la même affaire avec la PS Vita, puis la PlayStation. Puis en plus de ça, ils font aussi avec les écrans qu'ils vont vendre. Ils vont le faire avec les écouteurs. T'sais, ils viennent d'annoncer des écouteurs, puis Christy, t'achètes les écouteurs, puis t'as des modes de jeu différents si t'as les écouteurs pour jouer avec. Fait que tu sais, tout est question de centraliser puis de donner le goût au monde d'avoir toutes tes plateformes pour pouvoir jouer, pour avoir l'expérience complète. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans, Calvert? Même Nintendo, auparavant, l'avait fait avec le Game Boy Advance puis la GameCube. Quand tu jouais à Zelda, tu voulais le Christie Game Boy Advance pour le plugger sur ta GameCube pour avoir Tingle, tu sais. Ouais. C'est des affaires géniales qu'ils n'ont jamais refaites. Exact. Et pourtant, c'est tellement facile à faire, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve ça... Je trouvais ça frustrant pendant un bout, mais là, je trouve ça le fun parce qu'au moins... On dirait qu'ils réalisent, là. Ils ont eu une claque d'en face, puis là, c'est comme, ah, OK, là, on peut plus juste dire, vous allez pouvoir jouer avec Cranky Kong là, dans le prochain, puis c'est ça le gros feature, là. D'ailleurs, si vous voulez avoir vraiment du fun, là, ouais, allez voir le vidéo des VGX quand Reggie est allé annoncer que ça allait être Cranky. La face de Geoff, l'animateur de tout ça, le Good Game Trailers, là, ouais, était écœurante. Parce que lui, ça faisait un mois qu'il se faisait teaser par Nintendo. On a un feature malade qui s'en vient. On a une grosse surprise pour les VGX. On a très hâte de vous montrer ça. La surprise, c'est que tu peux jouer avec Cranky. Come on, là. T'sais, c'est une vraie joke. C'est juste joke. Ça, c'est tout le temps ça. C'est Nintendo, triste. C'est des petits détails de même. Là, c'est ça, tu sais. C'est le point des détails, mais c'est pas un gros feature. Là, t'sais, quand t'as du monde, mettons, comme Naughty Dog, qui vont dire, ben, nous autres, notre surprise à soir, c'est qu'il y a un nouveau chapitre complet qui sort pour The Last of Us. Tu sais, c'est comme, ouais, je fais peut-être un peu pitié avec mon petit bonhomme, ma barbe. Là, t'sais. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui disent que Nintendo, ils sont pas cassés, puis que c'est, tu sais, ils ont non, c'est ça, ils ont un bon coussin, là. C'est ça, ils sont pas dans la merde. Non. T'sais, ils vont pas faire faillite demain matin, là. Ils sont non. pas en train de paniquer, eux autres, là, tu sais, puis ben, gens... en fait, ils paniquent parce que la Wii U, c'est un échec. C'est, ouais. C'est littéralement la GameCube aussi était un échec, tu sais, ouais. Mais ils ont bouncé avec la Wii, puis ouais. 100 000 à l'heure. Mais au moins, mais pas au moins ils n'ont pas ça, aligné t'sais. GameCube et ouais. Wii U tout de suite après. Là, ça aurait vraiment été mal. Mais j'ai pas le goût que ça fasse ça parce que moi, tu veux, je l'aimais la GameCube puis je l'avais acheté. Tout le monde l'aimait, puis je oui, trippais la GameCube. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Personne l'a acheté. Un tout le monde aimait ça, Dreamcast. Personne n'a acheté Dreamcast. Mais c'est ça. Non, mais moi, tout le monde trippe pas, après. Tout le ben, monde trippe une fois que le trip est fini. Exact. Mais j'ai pas le goût que la Wii U, ça soit ça. Que genre, mettons, Nintendo, il annonce demain matin. Tu te rends compte que t'étais avec une bien bonne fille finalement. Là, tu l'as laissé pour aller croiser les Gerda dans le club. Là, ouais. Là, tu dis, oh boy, j'étais bien mieux avec elle finalement. Mais tu sais, imagine là que t'as la Wii U présentement là, puis là Nintendo annonce demain The Next Evolution in Nintendo, puis là il annonce la nouvelle console qui sort dans un an, puis tu sais, Chris. Bon ben non, ils vont pas sortir une nouvelle console tout de suite là. T'sais. Non, mais je veux dire, c'est ça qui s'est passé avec la GameCube. C'est que la GameCube, il y a un moment donné, c'est comme il y avait plus de support, il y avait plus rien. Mm-hmm. Il y a eu un gros gap entre ça puis la Wii. Puis la Wii est sortie, puis ah, fantastique, Nintendo. Mais pendant un bout, Nintendo, ça a juste été la console portable qui faisait qu'on trippait sur Nintendo. Puis je veux tellement pas que ça soit ça. Parce que moi, les jeux de console de Nintendo, tu sais, on s'en va faire un party dans le Nord, tu sais. Mm. Puis on cherche des jeux multi. Mes meilleurs jeux multi à vie ont tout le temps été sur des consoles de Nintendo. Est-ce qu'ils l'ont pour le multi? locales, là, ouais, sont tight. C'est vraiment excellent. Puis là, je veux dire... Moi, Smash Bros, j'aime pas ça. C'est pas là. Ouais, Smash Bros. Ben, je comprends pas le trip de ce jeu-là. Ben, c'est un jeu de combat, tu sais. Tu... Ben ouais, c'est... en tout cas. Ben, c'est quand moi, je trouve que c'est du garage. Moi, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, là. Ça, c'est un jeu que tu fais n'importe quoi. Ah non, vraiment puis pas. Il y a des champions de Smash, ben, là. Je sais, comme il y a des champions dans tout. Ouais. Mais en tout cas. Ben, tu sais, il y a des champions de dive kick aussi, puis c'est rien qu'un bouton, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est tout est dans la technique. Mais tu, ce que je veux dire, c'est que Nintendo a vraiment fait vraiment des super bons jeux, puis tout. Puis là, sur la Wii U, c'est comme en... c'est comme en ralentissement, puis c'est, ça va mal, puis là, ils disent que c'est un échec. Fait que là, j'ai comme peur que ça ralentisse de plus en plus, puis que finalement, on ait une nouvelle comme ça, que hop, une nouvelle console qui sort, tu sais. Ça te fera une nouvelle console à acheter, mon gars, pour faire le line-up, puis achète tout ça. Pendant que j'attends ma Wii U Slim. Ben ouais, c'est ça. Mais il faut pas. Faut tellement pas, là. Bon, ça me surprendrait, là. Sérieux, là. Ça vient de sortir. Il y a rien encore, là. Il y a pas de Mario Kart. Il y a non. pas Zelda. Non. Ben, Wind Waker, ça compte pas. Non. Mais tu sais, Smash Bros, il y en a pas. Faut attendre que ces affaires-là non, sortent. Non, c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Là. Ils vont sortir ouais. une console. T'sais. Ils vont pas sortir une console sans ça. T'sais. Ben non. C'est leur argent, ça, t'sais, de base. Là. Ils ont pas le choix. Ça fait vivre la compagnie. T'sais. Mais moi, en fait, j'espère qu'ils vont annoncer une console qui va sortir, mettons, genre en 2018. Puis là, je vais être vraiment content. Je vais faire comme, bon, mais fine. Au moins, il va avoir du support pour la Wii U, puis ça sera pas juste, ben, on va concentrer nos efforts sur la 3DS et tout ça, tu sais. Ouais. Puis que l'acquisition de ces nouveaux studios-là se fasse rapidement. Il y a beaucoup de monde qui parle de Capcom, entre autres, qui serait un méchant bon fit pour Nintendo. Ça serait vraiment Nintendo, weird, là. Pareil, que Nintendo achète Capcom. T'sais. Ouais, mais tu sais, Nintendo a fait un partenariat avec Sega qui marche pour eux, ouais. Même si Sonic Lost World n'est pas un jeu de ben bon, là. OK. C'est quand même un partenariat qui est intéressant pour eux autres et qui fonctionne. Fait que, tu sais, pourquoi pas le faire avec les autres compagnies? Tu sais, ils vont avoir Bayonetta. Tu sais, tantôt, je me disais, ouais. Ah, Capcom, des DMC Devil May Cry, je sais pas si je vois ça sur une plateforme de... Ben non, pas en tout. Je le vois sur une plateforme de Nintendo, ils ont Bayonetta, tu sais. Ouais, exact. Ils avaient fait Mad World aussi oui. la Wii, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est possible. Puis le futur est quand même assez intéressant, mais... C'est ça. On va garder on ça. On surveille ça de près. On surveille ça de très près. Ouais. Bon, ben, c'est ce qui conclut. Yep. Y a-tu des choses à rajouter? Ben, beaucoup de monde disent que ce qui manque à la Wii U, c'est des jeux intéressants présentement. Là. Ouais. C'est le commentaire qui revient le plus souvent dans le chatroom. Mm. Ben, d'ailleurs, je faisais le line-up des jeux du mois de mars parce que dans nos épisodes TV, on voit tous les jeux qui vont sortir pendant le mois ou les jeux les plus intéressants qui vont sortir durant le mois. Puis, le mois de mars, y a rien. Il n'y a rien pour la Wii U pendant le mois de mars. Fait que... Un bon moment pour acheter des jeux rétro dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Papacassa.com. All right. En plus, je vais avoir des bons RPG au Super NES là, qui s'en viennent. Bon. Je pense mettre la main là-dessus en fin de semaine. Chrono Trigger, Secret of Mana, Final Fantasy 2, Final Fantasy Mystic Quest. Mais je le garde pour moi. Et pour ouais, hein. Je l'ai déjà, mais tous ces jeux-là viennent avec les boîtes. Puis okay. Ça, fait que ça va être vraiment très beau. Shit. Fait que, pochette voilà. Est belle, ce jeu. Ouais, ouais. Ouais, je l'aime bien aussi. Minimaliste. Ouais. Fait que on ferme ça avec le remix. Ça va être pour le podcast, bien sûr. Live, ben vous n'avez pas de rette là. Non. Donc, on s'en va. On ferme ça avec le remix de la toune d'intro de Ninja Gaiden ouais. par Patrice Bourgeois. JF, un petit Vanquish avant de partir. Vanquish. Yes. Si tu pèses souvent dessus, fais-tu Vanquish? Non, il va. Il va s'arrêter. Il l'a fera pas deux fois. Bon, maudit. Une affaire à programmer pour le prochain. Ben ouais, c'est j'embarque ça. Là-dessus tout de suite après. C'est clair. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été ben oui, présent. Merci d'avoir été là. Puis, on se reparle bientôt. Yes!